Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM sur le 107 MHz. Et vous allez écouter l'émission Le calendrier des esclavages et des libérations. Ce soir, eh bien, il y aura bien sûr le calendrier des esclavages et des libérations du 5, du 6 et du 7 mai. Hein. Et puis, il y aura aussi la diffusion d'enregistrements. Hein, pris sur différents médias, disons. Hein. Alors, par exemple, ADP, les contre-vérités des tenants de la privatisation. Ensuite, les pouvoirs insoupçonnés de l'épigénétique. Là, c'est de la science, hein, médecine, biologie. Richard Klederman, balade pour Adeline, hein, chanson. Mélenchon, Macron a parlé pour ne rien dire. Macron a parlé pour ne rien dire. Est-ce que c'est votre avis? En tout cas, moi, c'est le mien. C'est pour ça que je le diffuse. Hiver, Vivaldi, musique classique, pour changer un peu, hein, de ce qu'on entend tout le temps et partout. Après le Louvre d'Abu Dhabi, le Louvre Airbnb. Alors là, c'est Charline Van Locker, qui va nous raconter une histoire, qui nous dit en 2 minutes et 9 secondes plus de choses que nous dit Macron, voilà, Macron, ouais, je me suis trompé, Macron en 2 heures. Et oui, lui, il a l'art de parler pour ne rien dire, ben, c'est normal puisqu'il n'y a rien à dire, il a juste besoin d'essayer de nous endormir. Alors, conférence de Macron, donc le logiciel de l'Élysée, ça, c'est un enregistrement pris sur Le Média. Le Média, c'est une chaîne de télévision libre que vous pouvez recevoir sur Internet. Hein. Vous tapez Le Média et vous aurez tout de suite la marche à suivre pour pouvoir écouter et regarder cette émission. Hein, puisque là, c'est de la télévision. Moi, je passe la partie sonore, mais évidemment, malheureusement, je ne peux pas passer aussi l'image. Hein. Alors, il faut aller sur la télé pour avoir la suite, quoi. Hein. Si on y prend goût en écoutant la radio, après, on peut aller sur la télé. Les quatre vérités, Adrien Quatennens. Hein. Ensuite, ben, un peu de musique. L'OTAN, l'ONU, armée. Camille, 15 ans, violoniste, joue les quatre saisons de Vivaldi. C'est de la musique. Hein. Santé et travail, un état des lieux inquiétant. Et puis arrêt sur image. Voilà, bonne soirée, bonne écoute et à une prochaine fois. Le calendrier des esclavages et des libérations du 5 mai. Que s'est-il passé le 5 mai 1789, par exemple, en France? Réunion des états généraux à Versailles. Un quart des représentants était élu par le clergé, un quart par la noblesse et la moitié par le tiers état. Ils ne s'étaient plus réunis depuis 175 ans. 1818, Allemagne. Naissance de Karl Marx à Trèves. 1841, Espagne. Les autorités de Barcelone autorisent la constitution de sociétés mutuelles de travailleurs. 1848, Italie. Soulèvement à Naples. 1849, Norvège. Parution du numéro 1 de Journal des associations ouvrières. L'éditorial développe le thème « Travailleurs, que Dieu soit avec vous, la lutte va commencer ». 1862, Mexique. Les Mexicains mettent en déroute l'armée française envoyée par Napoléon III pour faire du pays un empire catholique. 1886, USA. L'attentat de Haymarket. Square de la veille soulève une vague de haine, de colère haineuse qui s'étend à tous les États-Unis. L'opinion publique se tourne contre les sociétés ouvrières et les chevaliers du travail, sociétés fondées par les tailleurs de Philadelphie, regroupant quelques 700 000 adhérents. 700 000 adhérents, vous entendez ça? Et se battant pour la journée de 8 heures. Ils étaient bien courageux, les gens, en 1886 aux États-Unis et ailleurs. En ce temps-là. 1887, France, à Paris. Naissance de Gaston Tessier. 1887-1960, dirigeant syndicaliste chrétien. 1906, Mexique. À l'occasion de l'anniversaire de la défaite française, l'Union libérale se transforme en Junta Patriotica. Baca Calderón exhorte les mineurs à engager une lutte énergique, loyale et honorable pour, entre guillemets, enseigner aux capitalistes que les travailleurs ne sont pas des bêtes de somme. Vite, fermons les guillemets. Parce qu'il y en a qui pourraient prendre ça pour eux, maintenant, en 2019. Hein? Ah oui, prenons des précautions. Parce que vous avez vu que facilement on arrête, on tabasse, on matraque, on blesse, on mutile des manifestants parfaitement pacifiques en 2019 en France, pays des droits de l'homme, etc., etc., liberté, égalité, fraternité, j'en passe les meilleurs. 1907, France, manifestation de 30 000 vignerons à Lézignan. 1909, Iran, le Shah de Perse accorde une constitution. Eh oui, il accorde une constitution. 1912, Russie, la Pravda, c'est-à-dire la vérité, est fondée par Lénine comme organe du Parti ouvrier social-démocrate russe. Parti ouvrier social-démocrate russe. 1912, Mexique, fondation du syndicat des ouvriers tailleurs. 1914, Russie, les députés socialistes sont exclus de la Douma, c'est-à-dire le Parlement, pour avoir interrompu le discours du Premier ministre. 1920, USA, Nicolas Sacco, 1891-1927, et Bartolomeo Vanzetti, 1888-1927, immigrés italiens, sont arrêtés. Ils sont à tort accusés d'avoir tué le caissier et le gardien d'une fabrique de chaussures à Braintree. 1925, Brésil, Paraguay. La légendaire colonne Preste se met en route. Une longue marche de 2 ans et demi commence à travers le Paraguay et le Brésil. Les soldats rendent la justice révolutionnaire, brûlent les registres des usuriers, détruisent les livres de dettes comptabilisés par les féodaux, libèrent les prisonniers politiques, mais ils finiront dans les prisons du Paraguay. 39 ans après, Luis Carlos Prestes dira « Si nous avions alors eu l'éducation politique que nous avons aujourd'hui, le résultat de la colonne eût été différent. » Eh oui. 1926, Grande-Bretagne, le Conseil général des Trade Unions décide d'appuyer la grève générale, mais les leaders travaillistes hésitent. Les négociations reprennent. 1930, Inde, suite à la campagne de désobéissance civique, Gandhi est arrêté. 1933, Allemagne, Robert Ley peut annoncer à Hitler que les syndicats les plus importants, avec 8 millions de membres, sont soumis inconditionnellement. C'était pas en France, c'était en Allemagne, c'était pas en 2019, c'était en 1933. 1937, Espagne. À Barcelone, les anarchistes et les trotskistes insurgés sont écrasés par la police républicaine d'obédience communiste. On compte 500 morts et 1000 blessés. Ouais. 1942, Pays-Bas. Dans le pays occupé par les nazis, le port de l'étoile de David devient obligatoire pour les juifs. Les déportations vers les camps de la mort vont commencer. 1972, Madagascar. Une manifestation d'étudiants entraîne des heurts avec la police. Il y a un mort parmi les manifestants. Dans la suite, de véritables émeutes se déclenchent. Les forces gouvernementales ouvrent le feu, font de nombreux blessés et environ une trentaine de morts. 1976, France. Suite à la décision du tribunal de Paris de liquider les biens de l'IP, l'Assemblée générale et l'intersyndicale décident une nouvelle fois l'occupation de l'usine. 1981, Irlande du Nord, mort de Bobby Sands, il avait commencé une grève de la faim le 1er mars pour protester contre le sort des prisonniers politiques irlandais. Après lui, 9 autres prisonniers politiques prendront tour à tour le relais. Thank you. 6 mai. Eh bien, le 6 mai 1525, en Allemagne, le plan de Thomas Münzer d'unir la révolte paysanne de Thuringe et d'en faire le noyau d'une révolution générale échoue en se heurtant aux intérêts particuliers et à la peur de la répression de la petite bourgeoisie locale. Petite bourgeoisie locale. 1525, France. Le duc Antoine de Lorraine se met en marche contre les paysans révoltés d'Alsace. Il est à la tête d'une armée de 30 000 hommes, comprenant la fleur de la noblesse et de nombreux mercenaires. Ses troupes, venues de France, vont restaurer la féodalité dans l'Alsace paysanne révoltée. Oui, ils ont promis aux gens qui s'étaient réfugiés à Saverne de les laisser libres s'ils sortaient rapidement. Et ils sont sortis, ils ont fait confiance, et une fois le dernier sorti, eh bien, ils ont été encerclés et massacrés jusqu'au dernier. Comme quoi, il ne faut pas faire confiance à certaines personnes. 1937, Espagne, à Barcelone, le combat fratricide entre militants anarchistes et forces républicaines gouvernementales cesse. Dans l'autre camp, Franco établit avec la bénédiction du Vatican une aumônerie militaire pour son armée. Franco établit avec la bénédiction du Vatican une aumônerie militaire pour son armée. 1914, Russie, à Saint-Pétersbourg, Riga et Moscou, manifestations et grèves de soutien aux députés socialistes exclus du Parlement. 1949, Canada, lecture de l'acte d'émeute à Asbestos lors de la grève de l'amiante. Asbestos, c'est si on ajoute un O, un E à asbestos, bien l'asbestos c'est la maladie provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante, de fibres d'amiante. Hein. Bon, autrement dit, cancer, c'est, on va aller plus vite. 1968, France. Le SNES, Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, et l'UNEF, l'Union Nationale des Étudiants de France, lancent un mouvement de grève. Au quartier latin, des manifestants étudiants et les forces de police se heurtent violemment. On compte près de 600 blessés et 423 arrestations, dont 31 seront maintenues. L'agitation universitaire gagne la province, heurts violents à Grenoble, débats dans un amphithéâtre à Montpellier. Toute ressemblance, évidemment, avec des faits actuels. Par exemple, le 1er mai 2019. Non, ça n'a rien à voir. Mais non. Enfin, c'est vous qui voyez. 1984, Saint-Domingue. Arrestation d'une centaine de dirigeants politiques et syndicaux. Mai 1848, en France, l'Association des travailleurs du chemin de fer compte déjà plus de 2000 membres. 1848 encore, mais en Italie, à Turin, à l'initiative du typographe Vincenzo Seferio, Seferione. 40 ouvriers fondent la société des compositeurs typographes. 1917, France. Suite à l'échec de l'offensive du général Nivelle, des unités françaises refusent de rejoindre leur position. Des mutineries éclatent dans le 16e corps d'armée. En certains endroits, soldats allemands et français fraternisent. 1917, Russie, à Saint-Pétersbourg. Ouverture de la conférence bolchévique dite « Conférence d'avril ». 133 délégués y représentent 80 000 membres. Le mot d'ordre « Tous les pouvoirs au Conseil », c'était au Soviet, est lancé. 1946, Grande-Bretagne. Les compagnies aériennes sont nationalisées. 1945, Vietnam. Le camp retranché français de Dien Bien Phu, sur lequel l'état-major français voulait attirer l'armée de Giap pour la briser, est submergé par les forces populaires. La présence française en Indochine s'achève, mais malheureusement pas la guerre. 1968, France, à Paris, de 18h30 à 24h, une marche de 30 000 étudiants est organisée par l'UNEF. La CFDT exprime la solidarité des travailleurs avec les étudiants. La CFDT était encore un syndicat. 1982, USA, plus de 10 millions de chômeurs, chiffre non atteint depuis 41 ans. 1983, Hongrie, à Budapest, manifestation du mouvement pacifiste indépendant Dialogus. Elle sera suivie de tracasseries policières et aboutira à la fin de l'été à la dissolution de Dialogue qui n'avait qu'un an et demi d'existence. Le souvenir du passé peut éveiller des pensées dangereuses et la société établie semble redouter les conteurs subversifs de la mémoire, signé Marcuse. Les autoroutes, c'est la même chose, mais au final, c'est de l'argent de vous, de moi, de nous tous, qui va aller davantage pour les actionnaires. C'est une question stratégique, ADP après d'autres, hein, parce qu'il y a ADP, il y a la Française des Jeux, il y a Engie, il y a la question des barrages aussi. Et la privatisation en cours, hein, parce que quand on dit c'est pas une privatisation, c'est une cession, une concession. De 70 ans, oui, il y aura un bilan qui sera fait tous les 5 ans. Ça, c'est vraiment la novlangue. Non, mais je veux dire. Est-ce que c'est pas des garde-fous intéressants? Mais bien sûr, c'est la novlangue. Et l'exemple des autoroutes est tout à fait éclairant. Voilà. Les autoroutes, c'est la même chose, mais au final, c'est de l'argent de vous, de moi, de nous tous, qui va aller davantage pour les actionnaires. Vous savez combien de milliards se sont mis dans les poches ceux qui ont géré les 9000 kilomètres d'autoroutes qui ont été justement cédés. C'est 27 milliards. C'est considérable. Absolument considérable. Je ne sais pas d'où sortez ce chiffre. C'est absolument considérable. Vous parlez probablement d'un chiffre d'affaires qui est bien plus large que les seules autoroutes françaises. C'est un chiffre qui n'a rien à voir. Vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt quelques centaines de millions. Sortir des chiffres délirants. Les millions, 27 milliards, je ne sais pas ce que c'est que attendez, ça. Attendez. On se comprend. l'Ukraine. Oui, d'abord, c'est ce que je vous demande. Vous êtes quand même d'accord que si la France veut avoir une stratégie industrielle, veut mener la transition énergétique, elle a intérêt à être un acteur de l'économie. Quand elle a une entreprise qui va mal, on nous dit on privatise pour que ça aille mieux. Vous remarquerez que c'est pas toujours le cas. Des fois, on privatise et ça va encore plus mal. Maintenant, voilà une entreprise qui va bien, ADP, qui rapporte de l'argent à l'État et qui, en plus, est dans un secteur stratégique, à une zone aéroportuaire, qui est quand même une frontière considérable. Moi, je vois bien, je suis élue juste en dessous de Roissy, donc je connais bien ADP de Roissy. Pas de problème, on le vend. Mais pourquoi ? Pour faire du cash. À court terme, c'est ça que recherche l'État français aujourd'hui. C'est parce qu'il a donné 5 milliards de milliardaires aux plus riches. Donc c'est quoi ? C'est récupérer. Les caisses sont vides. C'est ça ? Je rebondis sur ce que vous dites, Clémentine Autain. C'est quoi ? C'est récupérer du cash ? Zéro vision stratégique. Récupérer du cash, mais à quel prix ? Il y a un autre argument, c'est que souvent les biens privés sont plutôt mieux gérés. Mais ça se discute beaucoup sur les aéroports. L'État n'est pas un bon gestionnaire. C'est incroyable. Vous connaissez l'Angleterre. Ça se discute beaucoup sur les aéroports, j'allais le dire. Vous vous souvenez des chemins de fer de Margaret Thatcher, très mauvais argument, parce que là, j'allais vous opposer Heathrow, qui aurait été un meilleur argument pour vous. Les chemins de fer marchent très bien. Il y a beaucoup moins d'accidents qu'en France, beaucoup moins de morts qu'en France. Enfin. C'est complètement optimisé, il faut que vous révisiez. C'est ce que vous disiez était vaguement vrai il y a 20 ans. Non. En revanche, et je vais dans votre sens, Heathrow, qui a été privatisé, est un aéroport dont les tarifs ont considérablement augmenté. Il y a donc des arguments contre la privatisation. Mais je vous en supplie, prenez les bons, pas les mauvais. Vous avez suffisamment de bons arguments. Les chemins de fer anglais ont été privatisés pour cet argument, et quand ils ont été privatisés, ça s'est mis à marcher beaucoup mieux. Non, absolument pas. Vous avez. On est balèze en France. Il y a des trucs qu'on est hachement balèze. Pas tout, mais il y a des trucs, on est vachement... Il y a des trucs, on suit. En politique, on est vachement balèze. Et en politique, on est plus balèze en politique. Surtout en politique française, hein. On est parmi les plus balèzes du monde. On a les hommes politiques que le monde entier nous envie, hein. D'ailleurs, ils pourraient les prendre, mais ils viennent pas les chercher. Je sais pas ce qu'ils foutent. Sans ça, nous, on leur donne, hein. Regardez, Giscard d'Estaing avait promis un changement douceur. Vous avez senti quelque chose, vous ? Impeccable, ça s'est passé. On en a des bons, il y a comment il s'appelle, celui avec l'entonnoir, là, l'handicapé mental, là, comment... Michel Debré. Ah bah, alors voilà là, qui est bon, Michel Debré, c'est celui qui voulait qu'on fasse des enfants. Parce qu'il va pas les faire, avec la gueule, pas les gosses. Ah, pas déconner, non. On a des biens. Et puis il y a machin aussi, comment il s'appelle, le frère Laspicrine, là, celle avec les dents, là, comment le décapsuleur, on l'appelle. Denis Forbes, voilà, deux bières. Robert, oui. C'est celui qui a dû émerger. Robert Forbes du MRG, c'est ceux qui essayent de passer la tête. MRG, ça fait rien, laissez tomber. Bon. Et il est sorti de l'Elysée, il a dit, les mecs, il y a déjà un chômeur de moins, j'ai trouvé du boulot. Moi. Pour les autres, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Allez hop, c'est terminé. Sans blague. Ah non, on a des bons. On a JJSS qu'on dit que les initiales, parce que c'est d'autant que tu dis son nom, tout le monde est parti. Alors lui, c'est Bonnard, et encore même du monde de petite durée dans le gouvernement, lui. 5 jours, il est resté. Quand il va à l'Elysée, il dit, vous laissez ouvert, je repars tout de suite. Hein. Il serre les louches, il graisse les serrures, et puis il se corse, il a des petits boulots comme ça, c'est sympa. Et puis alors, dis donc, et regarde, en Europe, t'as vu l'Europe ? À Strasbourg, on disait, c'est pas demain la veille. Eh, veille. Simone, la petite Simone. Les Simones sont de retour. Formidable, avant, elle était ministre de la Santé, Simone Veil. Elle voulait plus qu'on fume. Eh ben, même les cheminées du Nord ne fument plus. C'est quand même balèze, non ? Alors, faut quand même y arriver. Ah non, on a des bons, hein. On a Soissons, qui est très bien, Soissons. Très bien, ministre de la Jeunesse et Sport. Enfin, surtout la jeunesse, parce que lui, le sport, c'est celui qui a mis Mourouzi à la moto. Il est tombé au bol d'or, Mourouzi, il était crevé à l'arrière. Il y a un trou dans la chambre, il n'a pas pu finir. Et très bien. Et puis on a, qui s'appelle aussi le Benet, comment c'est ? Canuet ! On a Canuet avec les dents. Canuet, c'est, on y avait dit, on a failli le perdre, hein, Canuet. Non, vous déconnez, mais... qui c'est qu'ils auraient mis à la place ? Un autre ? Eh oui, on fait pas grave. Canuet, on y avait dit, le dentier, tu le fais tremper le soir. Et lui, parce qu'il n'est pas fini, on voit bien, Canuet, il n'est pas... Il y a de la place dedans, on pourrait habiter à plusieurs. Alors lui, il a trempé la tête, on a failli le perdre. Toute la nuit, il a été attaqué par les bulles. Pas lui qui attaque. Ah non, on est emmerdé. Et puis alors, on en a un qu'on est embêté aussi, qu'on est embêté avec. On est embêté, c'est avec le grand. Le grand avec les lunettes. Jacques. Avant, ils étaient copains, Gichard Bistin, c'était le genre un peu mon cul ma chemise, tout ça, que les gens disaient, mais enfin, qui c'est la chemise? Et puis maintenant, commence à avoir une idée, quoi. Non, parce que des fois, il y a des gens qui disent, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre Gichard et Chirac? Il n'y en a pas, hein. Mais Chirac, on ne sait pas, l'autre. On dit que l'autre, il a bien vu, il a dit que c'est le même, allez, foutez-moi ça dehors. Allez, hop là, c'est reculé, il n'y a rien. On est emmerdé, hein. Parce qu'en plus, on est le pays qu'on vote le plus en France. On est tout le temps en train de voter. Alors, bon. L'autre fois, c'était pour l'Europe. Bon, vous avez bien fait d'y aller, c'est pas pour nous, c'était pour partager du pognon, puis on en a plus, nous, alors c'est pas le problème. Bon, l'autre fois, c'était les cantonales, c'était pour élire les cantonniers, c'est pas méchant non plus, mais enfin, il y en a que ça. Si j'y suis pas allé, il n'y a pas d'herbe dans ma rue. Bon, qu'est-ce que je lis dans le journal? Je lis le journal, qu'est-ce que je lis? Il paraît que la gauche est achetée par Moscou. Non, si, il paraît. Je crois pas, si. La gauche est achetée par Moscou. En gros, la merde. La droite est achetée par la fenêtre, on savait déjà ça. En plus, la gauche en plus. On l'a emmerdé. Et puis alors, bon, parce que vous prenez les hommes politiques, alors prenez n'importe quoi, par exemple, prenez le Conseil des sinistres. Alors c'est le mercredi, hein, c'est le jour des gosses, ils vont ensemble, bon. Pour déporter, c'est sympa, il y a le garde des Sceaux, bon, alors ils sont là, hop. Alors, qui c'est qui a une idée? Moi j'en ai pas, très bien. Et lui, ben, j'ai une petite idée, tu la gardes, hein, monsieur. T'as vu dans quelle merde on est déjà, alors si tout le monde ouvre sa gueule, on n'est pas sorti. Hein. Bon, un bon discours politique par deux choses très importantes. Un bon début, une bonne fin. Et si possible, que les deux soient plus près possible l'un de l'autre. Française, français, voir deux choses, un bon travail, une bonne santé. Vous avez une bonne santé, j'ai un bon travail. On va s'arranger. Parce que normalement, il y en a tout le temps qui gaulent du pognon, on dit oh, il est parti avec la caisse. Normalement, on n'a pas le droit de piquer dans l'État. C'est écrit dans la constipation de 1958. On y soit qui manigance. Mais les mecs, tu penses, une fois qu'ils sont là, hein, on dit, ah bah, au lieu de mettre des crédits pour les écoles, ils en font pour les prisons, tu parles. Quand t'es ministre, il y a un truc que t'es sûr, c'est que tu retourneras pas à l'école. Hein. Tandis qu'en prison, faut voir. On parle souvent de génétique. Mais les recherches scientifiques de ces dernières années laissent entrevoir une formidable avancée dans la compréhension du génome humain avec l'avènement de l'épigénétique. Alors que l'on pensait encore au milieu du XXe siècle que notre corps physique était le résultat d'une transmission héréditaire d'un code génétique, voilà que l'on se met en ce début du XXIe siècle à comprendre que notre environnement influence également l'expression de notre ADN. Mais alors, comment l'épigénétique se matérialise-t-elle au quotidien? Et surtout, comment peut-elle nous aider dans une quête de développement personnel? Bonne question. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dès maintenant. C'est parti! Avant de s'intéresser à l'épigénétique, faisons un bref rappel de ce qu'est la génétique, histoire de mieux en comprendre ses mécanismes. La génétique est la science qui étudie le caractère héréditaire des gènes. Alors bien que ce terme fût apparu dès 1905 par William Bateson, biologiste britannique et fervent utilisateur des lois mendéliennes de l'hérédité dans ses travaux, ce n'est réellement que depuis la découverte de la structure en double hélice, par James Watson et Francis Crick en 1953, que la génétique a réellement pris de l'importance dans la compréhension des mécanismes évolutifs des espèces. Pour rappel, nous avons notre corps qui est composé de cellules, elles-mêmes constituées d'un noyau, lui-même constitué de 23 paires de chromosomes, donc chaque chromosome est constitué de deux brins d'ADN. ADN pouvant être découpé en fragments représentant un gène avec pour chacun 4 bases appelées nucléotides, formées à leur tour de 3 molécules, une molécule de phosphate, une de sucre, et une base azotée. Par ailleurs, chaque nucléotide est complémentaire à une autre. Par exemple, si on a la nucléotide C dans un brin d'ADN, on aura la G dans l'autre brin. Et même chose pour T et A. On a donc pour chaque brin d'ADN, c'est-à-dire pour chacun des 25 000 gènes approximatifs que possède l'être humain, une séquence formée de ces nucléotides. Environ 3,2 milliards de paires de nucléotides quand même. Ça fait un gros bon paquet tout ça. Ouais. Nucléotide étant par ailleurs copiée ou transcrite dans une molécule d'ARN pour être traduite afin de synthétiser la protéine. Protéine formant quant à elle le phénotype moléculaire, cellulaire et enfin organique de chaque individu. Alors vu comme ça, on pourrait très bien se dire que quoi que l'on fasse, notre ADN, transmis par nos ancêtres et porteur des informations de notre programme génétique, définit qui nous sommes d'un point de vue physique et que rien ne peut changer cela. Oui, mais ça, c'était avant. Parce que oui, aujourd'hui on est au XXIe siècle et que l'on commence à en comprendre de plus en plus sur nous et l'environnement qui nous entoure. Grâce aux dernières avancées scientifiques, on sait maintenant que l'ADN est influençable par l'information provenant du milieu extérieur. C'est ce qu'on appelle donc un épigénétique. L'ADN n'est donc plus une question d'hérédité, mais également une question d'acquis. Ce que l'on devient n'est donc plus essentiellement gouverné par notre ADN, mais également par l'information extérieure ayant la capacité d'activer ou de désactiver par méthylation certains gènes. Et on retrouve cette méthylation sur toutes les espèces, qu'elles soient animales ou végétales. Par exemple, c'est cette même méthylation activée par la nourriture qui, chez les abeilles, permet de savoir si la larve deviendra une reine ou une ouvrière. C'est en effet un sel nourri à la gelée royale tout le long de leur période de vie larvaire qui auront la possibilité de devenir une reine. Les autres, nourris à la bouillie larvaire, c'est-à-dire au miel et au pollen, auront un destin opposé et deviendront de simples ouvrières. On a donc ici l'exemple concret qu'un même ADN peut engendrer deux êtres totalement différents, et ce par le biais de l'environnement influant directement certains gènes. Et ce même principe épigénétique s'applique également chez l'être humain, et ceci dès le stade embryonnaire, étant donné que la mère influence elle-même le développement cellulaire de son enfant. D'ailleurs, on peut se poser la question. Comment se fait-il qu'en partant d'une simple cellule porteur de l'ADN, on devient tous des êtres humains composés de différents organes? Eh bien, c'est en partie grâce à l'épigénétique. Conrad Waddington, un biologiste du développement, a illustré ce principe de division cellulaire en prenant l'image d'une cellule unique en haut d'une montagne qui se divise au fur et à mesure qu'elle descend. Et selon le chemin qu'elle emprunte, celle-ci devient soit un foie, un cœur ou un poumon grâce à l'activation ou l'inhibition de certains gènes. Le génome ne change donc pas pendant la différenciation cellulaire. Ce qui change, c'est plutôt la façon dont il est utilisé. Et cette utilisation est déterminée par des mécanismes épigénétiques. En d'autres termes, ce que vous devenez d'un point de vue identitaire n'est pas seulement gouverné par votre ADN, mais également par la manière dont vous allez utiliser l'environnement pour méthyler ou non certains gènes tout le long de votre vie. D'ailleurs, un bon exemple concerne les jumeaux monozygotes qui partagent le même ADN, mais qui, au fil du temps, se différencient physiquement et au niveau identitaire du fait d'une utilisation différente de leur ADN par l'action qu'ils ont vis-à-vis de l'environnement. Et oui, plus le temps passe, plus l'impact de l'environnement est important et plus l'épigénome va diverger. Ce qui nous fait donc dire que la génétique est un processus statique, alors que l'épigénétique est dynamique, instable et porte la mémoire de notre passé. L'information présente dans l'environnement a donc un impact direct sur votre vie. Et par environnement, je parle de tout ce qui vous entoure. Cela passe donc en premier lieu par la nourriture que vous mangez, mais également les gens que vous côtoyez, les objets que vous touchez, les sons que vous entendez ou encore les endroits que vous fréquentez. D'ailleurs, un côté nourriture, on peut citer les bienfaits d'un point de vue épigénétique de la vitamine B6, B9 et B12 et qui fournit des groupes méthyle au métabolisme grâce à leurs protéines. Le thé vert est également excellent puisque ses feuilles libèrent une substance chimique naturelle qui agit sur un gène qui, avec l'âge, a tendance à devenir inactif. Le thé vert va en effet dissoudre les groupes méthyle du gène inhibé et le réactiver. Ce gène va alors produire une substance qui a la capacité de combattre le cancer. Mais si la nourriture est aussi importante, c'est qu'elle a un rôle crucial dans le renouvellement cellulaire. En effet, c'est elle qui fournit les matériaux indispensables à ce renouvellement. Imaginez un peu, une division cellulaire d'à peine 20 heures implique plus de 44 000 paires de bases qui doivent être placées au bon endroit à chaque seconde. Et si les cellules de notre corps n'ont pas les apports nécessaires en nourriture pour effectuer cette division, des erreurs peuvent alors survenir. Et c'est la perte d'informations assurées engendrant avec elle un changement physique interne et externe bien visible avec le temps. Mais ce qui est aussi incroyable avec l'épigénétique, c'est qu'elle a la faculté de se transmettre de génération en génération. Alors bien que toute l'information épigénétique ne soit pas transmise au moment de la fécondation, des marques épigénétiques restent tout de même présentes. Il est donc fort probable que vous ayez hérité de certaines marques épigénétiques de vos ancêtres, qu'elles soient positives ou négatives pour vous. Des tests et des études ont d'ailleurs été menés sur les souris et les êtres humains. Sur les souris, tout d'abord, on s'est aperçu qu'un stress chronique sur une souris pouvait se répercuter sur les générations futures par un mécanisme épigénétique. Sur l'être humain, ensuite, on a découvert que suite à une période de guerre ou de famine, les générations futures étaient plus sujettes à des problèmes de poids, comme la boulimie ou l'anorexie, ou à des maladies telles que le diabète, les troubles neurologiques comme la schizophrénie, ou des troubles cardiovasculaires. Alors bien qu'une famine extrême ne peut changer l'ADN, elle peut tout de même activer ou inhiber certains gènes, et ce de manière stable et durable, sur plusieurs générations. Mais ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Dans la majorité des cas, il est tout à fait possible de se reprogrammer de manière positive tout au long de notre vie en mettant sous silence les marques qui nous paraissent négatives, comme celles liées à certaines maladies ou au physique par exemple, grâce aux actions que nous décidons de mener au quotidien. Alors évidemment, comme je vous le disais, cela prend du temps pour que la répercussion épigénétique soit visible. Ce n'est donc pas parce que vous ne voyez pas d'effet immédiat sur votre corps que cela signifie nécessairement que votre mode de vie n'influe pas sur votre corps. Bien au contraire. Toutes vos actions ont un impact sur votre identité. À vous donc de vous créer un mode de vie sain d'un point de vue épigénétique si vous souhaitez devenir une personne plus belle intérieurement et extérieurement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas de la vidéo et à la partager avec vos amis pour m'aider à faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, et Tutti Frutti. Et aussi aller faire un tour sur mon blog pour plus de conseils en séduction et en développement personnel. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, ciao! Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Brunet. Merci d'être avec nous. Vous allez bien ? Oui. J'ai eu une petite séance très revigorante hier à Lisbonne. Je défilais avec mes partenaires d'Alliance européenne. On a créé un truc qui s'appelle Maintenant le peuple et qui regroupe une dizaine de partis. Hier, j'étais avec mes amis portugais et on célébrait le 25e anniversaire de la chute du régime fasciste sous le fait d'une révolution citoyenne, et donc c'était frappant de voir qu'il y avait autant de monde dans la rue, 45 ans après, de toutes les générations, ça portait le même enthousiasme, le même message. La liberté, c'est contagieux. L'histoire, toujours l'histoire. Oui, parce que on parle l'histoire, il faut pas se laisser envahir par elle, ni submerger, mais traverser, oui. Nous autres Français, c'est mieux quand on parle plein de cette histoire que... D'abord, on s'évite de dire des bêtises, hein, des fois. Par exemple, le président de la République, il dit qu'il veut reconstruire Notre-Dame plus belle qu'avant, il n'a pas compris que ce n'était pas une voiture qu'on venait d'acheter. On parle d'un bâtiment qui a 8 siècles, hein. Il a voulu réconforter les Français. Oui, j'ai compris, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que j'ai sursauté, je crois que j'étais pas le seul. Mais l'histoire, oui, il faut se laisser travailler par elle, hein, c'est par le temps long, de manière à exprimer ensuite dans le présent quelque chose qui tient compte de ces enseignements. Je sais que hier vous étiez à Lisbonne, vous n'avez pas pu voir la totalité de l'intervention du président de la République. Alors pour vous. J'ai monté, j'ai composé un petit florilège de quelques secondes. Vous allez voir des mesures qu'on a du mal à, dans lesquelles on a du mal à reconnaître l'empreinte réformatrice et libérale de Macron première période. Vous allez voir. Je ne veux pas de hausse d'impôts. Je veux des baisses pour ceux qui travaillent. Je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1 000 euros. Au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2 000 euros et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Les 35 heures sont une référence légale théorique aujourd'hui. Et elles sont renvoyées au dialogue social. Je crois à cette méthode, je pense que c'est la bonne. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux, ni d'écoles, sans l'accord du maire. Ces fameuses familles monoparentales, souvent ces mères vivant seules. Je veux que nous mettions en place, de manière très rapide, un système où on donnera la prérogative de puissance publique à la caisse d'allocation familiale pour qu'elle puisse aller prélever directement les pensions alimentaires dues quand elles ne sont pas versées. Jean-Luc Mélenchon, je vous ai fait un il y en a d'autres encore. Très personnel, hein. mais quand même, on touche plus aux écoles, on touche plus aux hôpitaux dans les territoires sauf avec l'autorisation du maire, on sanctuarise les pensions alimentaires pour ces 30% de femmes qui ne perçoivent pas la pension alimentaire de la part de leur ex-conjoint indélicat, on touche pas aux 35 heures, dit-il, les 62 ans, c'est figé, la réindexation des retraites, on dirait un programme de gauche. Non, parce que je pense que les gens de gauche sont moins menteurs que M. Macron, d'une manière générale. Parce que, vous voyez, M. Brunet, on peut les prendre très rapidement. Il dit, on va réindexer les retraites en dessous de 2000 euros. Déjà, commençons par dire une chose, c'est lui qui les a désindexés. Donc, il est en train de défaire ce qu'il avait fait. Et il dit, et toutes les autres, ça sera en 2020. Ça tombe bien, c'est ce qu'il avait déjà dit au début. Les femmes qui ne touchent pas, ou les hommes, qui ne touchent pas la pension alimentaire qui leur est due. Ils proposent que la CAF intervienne pour pourchasser la personne qui devrait donner et ne donne pas. Sauf que ça a déjà été décidé par le même personnage il y a un an. Donc, vous savez, on a l'impression de faire et défaire. Qu'est-ce que je pourrais prendre encore comme ça? Les écoles, on ne ferme plus d'écoles. Prenons un exemple. Attendez, ça n'engage que ceux qui veulent y croire. Il dit on ne fermera plus sauf accord du maire. Vous connaissez un maire dans le pays qui va dire oui, je suis d'accord pour fermer une école. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il va devoir créer des postes d'enseignants, notamment pour dédoubler, comme il l'a dit. Et au moment même où il finit sa conférence de presse, on découvre que il faudrait 10 000 postes pour tenir les objectifs qui se donnent. Mais justement, Monsieur Blanquer vient d'en supprimer 1 000 au dernier concours. Donc si vous voulez, le temps qu'on débrouille tout ça, vous, parce que... au fond, c'est très frais. Il faut le temps que vous alliez vérifier et tout. Moi, j'ai des assistants, ce qui n'est pas votre cas. On a donc débrouillé tout ça. Il y a une énorme partie de flanc, de verbe. Vous parlez des fonctionnaires. Au passage, il a dit qu'il renonçait à la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires sur la totalité du quinquennat. Il l'a dit hier soir. Oui, très bien, on va voir. Mais c'est extraordinaire. Alors donc, c'était nécessaire. C'est le virage social. Maintenant, non. C'est le virage social. Si vous voulez pour vous, Monsieur Brunet, si à partir du moment où il renonce à couper la gorge aux gens, vous considérez que c'est en progrès, en effet, c'est en progrès. Mais moi, je suis aussi là pour essayer de faire la part de la vérité de ce qui est ou de ce qui n'est pas, et de savoir à quoi doit s'appliquer ma critique. Parce que quand on critique, c'est quand même la règle d'une démocratie. Les opposants s'opposent et critiquent, et donc après, les citoyens se font leur idée. Mais les menteurs sont ceux qui perturbent le débat public. Par exemple, il dit, la retraite à 62 ans, je n'y touche pas. Tout le monde dit, déjà 62 ans, ça faisait beaucoup. Tant mieux, il n'y touche pas. Attendez. En Europe, on travaille un peu plus que 62 ans dans les autres pays d'Europe. Vous savez bien que c'est pas mon avis. Mais regardons ce qu'il dit, lui. Il dit, vous pouvez partir à 62 ans si vous voulez, monsieur Brunet, mais vous aurez une décote. Donc vous ne partirez pas à 62 ans. Les 35 heures. Il dit, non, j'y touche pas. Peut-être bien. Mais la 36e heure, normalement, c'est une heure supplémentaire. Pour que les 35 heures fonctionnent, il faut que la 36e heure coûte notoirement plus cher pour que, dans le calcul économique, vous préfériez prendre quelqu'un, je ne dis pas que ça se fera, mais vous préfériez prendre quelqu'un que de lui payer des heures sup. Voilà. Donc quand il dit les 35 heures, et il est l'homme qui a fait baisser les heures supplémentaires. Monsieur Brunet, résumons, il a beaucoup parlé pour ne rien dire et donner des apparences qui parfois sont absolument loufoques. Et je vous demande de réfléchir à ce que peut signifier... pour un homme qui vient lui-même de créer en janvier dernier, un comité sur le climat, d'en recréer un ce soir, hier soir, en annonçant que les gens vont être tirés au sort pour faire des propositions sur la transition écologique. Monsieur Brunet, imaginez-vous que je dise, bon écoutez, le moteur à explosion, c'est pas fameux, nous allons réunir des gens tirés au sort pour proposer autre chose. Vous seriez en droit de dire, mais attendez, je n'y connais strictement rien, pourquoi vous me tirez au sort? Donc, laissez-moi terminer, ça veut dire que son affaire, monsieur Brunet, ne tient pas debout, et qu'il parle pour donner l'impression qu'il répond, mais il ne répond à rien. Et vous qui êtes un analyste de la situation politique, vous savez très bien qu'on n'est pas confronté à un catalogue de revendications de la part des Gilets jaunes, parce que je rappelle que toute cette histoire, c'était pour répondre aux Gilets jaunes. On est devant une crise politique, une crise institutionnelle, et c'est pas avec ce genre de réponse. C'est du catégoriel. C'est, alors bon, très bien, c'est pas le virage social, on est d'accord, très bien. C'était pour blaguer. Je faisais semblant d'y croire, d'accord. Vous savez bien. Mais en revanche, ça ressemble, pardon, je vais être un peu taquin avec lui, pas avec vous, ça ressemble à du clientélisme, des mesures catégorielles pour satisfaire les retraités ici. Monsieur Brunet, tout à l'heure, vous me parliez d'histoire, parce que nous avons une sensibilité commune sur le sujet. On va en reparler. En dépit de nos divergences tout à fait bien connues sur la manière de regarder la vie. Mais c'est très important pour un dirigeant politique d'aussi haut niveau, qui concentre tant de pouvoir, de comprendre l'histoire de France, et pas simplement de la singer. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se mettre à la même table que le général de Gaulle, dans la même salle, entouré de ses ministres en rang, pour être au niveau de de Gaulle. De Gaulle réglait par le verbe les crises politiques, où il ne les réglait pas, et il prenait tout ça dans la figure. Je vous rappelle qu'on est là l'anniversaire de l'année où les Français ont dit non au général de Gaulle, qui lui est parti immédiatement. Eh bien, lui, il se met dans un rôle, et il ne comprend pas la nature grave de la crise politique que nous affrontons. Si bien, monsieur Brunet, qu'il l'a aggravée. Parce que tous les gens qui l'ont regardé se sont dit, mais tout ça pour ça, 12 millions de dépenses, un grand débat, des heures de parlotte, pour à la fin venir nous dire exactement ce qu'il avait dit au début, rien n'a changé. Donc, il a aggravé la crise parce que les gens se disent, décidément, il ne comprend rien. Dites, le contribuable français n'est pas payé en retour, quand je vous écoute, parce que franchement, il a consenti, vous venez de le dire, un effort de 10 milliards. Puis là, il semblerait que, d'après les calculs de certains économistes qui ont été faits à la va-vite cette nuit et ce matin, il y a encore une enveloppe de 7, 8, 9, peut-être 10 milliards qui a été consentie hier soir. Vous dites que ça sert à rien. Le contribuable français, qui est déjà un des contribuables les plus généreux du monde, à vous écouter, est mal payé en retour. Vous êtes en train de lui dire que ce qu'il a lâché, entre guillemets, le contribuable depuis ces derniers mois, dans le cadre de cette crise des Gilets jaunes, ça sert à rien. C'est vraisemblable. La preuve, c'est que ça ne s'arrête pas. Donc, il faut savoir gérer. Il ne suffit pas d'éparpiller comme ça des sous. Ça n'a pas de sens. Prenons l'exemple des impôts. Il dit, je vais baisser le niveau de l'impôt sur le revenu des deux premières tranches. Déjà, les 50% qui ne payent pas d'impôt sur le revenu aujourd'hui, tout le monde paye des impôts avec la TVA et le reste. Enfin, 50%, ça ne les concerne pas. Quant aux autres, tout ça est absurde, parce que petit à petit, l'impôt sur le revenu va perdre son sens, puisqu'il va de moins en moins rapporter, mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, il faut faire 14 tranches pour lisser l'effort. Et celui qui a le plus, celui qui a le moins, donne le moins, mais tout le monde donne quelque chose. Et en particulier, avec le système que je suis en train de vous expliquer, tous ceux qui ont moins de 4000 euros de revenus mensuels, paieraient moins. Donc, c'est pas le tout de saupoudrer, faire et défaire, et un coup je te baisse la retraite, et le coup d'après je te la remonte, enfin plus personne ne sait où il en est. Alors vous avez raison, c'est coûteux, et souvent pour rien. Mais M. Brunet, remarquez une chose extrêmement importante, parce que vous êtes économiste. Les 10 milliards... Bon, journaliste. En tout cas... Passionné d'économie, mais... Oui, mais vous en parlez quand même assez souvent pour qu'on vous prenne au sérieux, vous espérez qu'on vous prenne au sérieux quand même. Moi je vous prends au sérieux. Alors... Que se passe-t-il? Il donne 10 milliards. On oublie à qui, comment et quoi. 10 milliards. On observe immédiatement que ces 10 milliards se retrouvent dans la croissance et dans l'emploi. Ce qui veut dire que les politiques de redistribution dynamisent l'économie du pays. C'est ce que moi j'ai appelé la politique du carnet de commandes. Mais pas en distribuant comme ça par la fenêtre tout et n'importe quoi. C'est pas sérieux. Nous avons besoin d'investissements massifs pour la transition écologique. Pas d'un comité Théodule tiré au sort, qui est le troisième du genre. Vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, on a découvert que l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, nous disait que 2019, eh bien, ce serait une augmentation de 850 euros en moyenne pour les Français, une augmentation de pouvoir d'achat, due en partie à ces efforts qui ont été consentis à la fin de l'année, et puis à une relative petite embellie sur le plan national. Donc 850 euros, c'est pas un think tank qui est à la botte de Macron, oui, qui dit oui. ça. Vous avez raison, mais laissez-moi vous dire quelque chose qui est rare, je ne sais pas. Je n'ai pas eu le temps de regarder ce chiffre et de l'étudier. et j'ai passé l'âge de me laisser attraper par des effets d'annonce des chiffres. Hein. Comme aujourd'hui, le chômage s'est embelli, on croirait que le problème est réglé. Non, il est hélas stable dans notre pays. Mais par contre, Monsieur Brunet, entendez ce que je vous ai dit il y a un instant. Je vous ai dit, quand on remet de l'argent et qu'on le donne à ceux qui en ont besoin, ils le mettent dans la consommation populaire. Et l'économie s'en trouve mieux. Je reviens du Portugal. Vous avez un gouvernement qui a décidé de faire de la redistribution. Pas que ça, hélas. Il a fait aussi des bêtises, mais il a fait ça. Mmh. Et en attendant, voilà le pays d'Europe où le chômage recule, où le pouvoir d'achat augmente, et ainsi de suite, et où les comptes sociaux passent au vert. Vous avez vu beaucoup de Français, d'exilés fiscaux, ou de retraités Ah, j'ai vu des Français partout. Hein. Oui. Les touristes... Et milliers de retraités qui vont qui cessent de payer leurs impôts en France et qui se retirent au Portugal. Eh bien, je leur dis que je ne suis pas d'accord avec ça. On n'emmène pas sa patrie à la semelle de ses chaussures. Bon, nous sommes Français, nous partageons les malheurs et les bonheurs de notre pays. Et c'est pourquoi je suis partisan de ce que j'ai appelé l'impôt universel, je dis je avec mes amis, qui se pratique déjà aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Tout le monde paye. Vous allez sur la Lune, vous allez sur Mars, vous allez aux États-Unis, vous allez au Portugal, vous payez ce que vous devez au pays ou dans lequel vous êtes. C'est normal. Nous-mêmes, on le fait avec les étrangers qui sont chez nous. Mais on calcule la différence avec ce que vous devriez à la France, et vous payez à la France comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est le régime d'imposition des députés européens, donc c'est pas si compliqué à faire que ça. Et vous savez, les USA, ils rigolent pas avec ça. Hein. Non. Ils téléphonent dans les banques. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, parce que ce sont mes amis qui travaillent dans les banques qui me l'ont raconté. Ils téléphonent dans les banques pour traquer savoir. Leurs citoyens qui vivent. Pour dire, il y a un soupçon d'américanité, il doit payer. Donc vous voyez, si c'est moi qui gouvernais, je commencerais par faire tout ça, c'est-à-dire remplir la caisse, mais sans inventer des nouveautés, je veux dire des impôts nouveaux, des taxes ou je ne sais quoi, simplement en faisant que ceux qui doivent payer, payent. Bon sang, 85 milliards de fraude fiscale, Monsieur Brunet, mais tous les deux, on se disputerait de savoir ce qu'on en ferait. Oui. Mais quand bien même, ça serait... Vous n'êtes pas certain que le chiffre soit juste. Oui, bah tiens, tout d'un coup, c'est les chiffres. Vous aussi, vous avez du scepticisme. Oui. Laissez-moi vous dire que même si c'était 50 milliards, ça serait le montant de ce qu'on paye tous les ans pour la dette de la France. Oui. Si tout le monde payait sa part, il n'y aurait plus de déficit en France. Franchement, ça vaut la peine qu'on s'excite sur ce sujet. Je suis d'accord avec vous, mais parlons-en justement. La France... que vous décrivez assez souvent comme un pays capitaliste, avec des lobbies, etc., n'est finalement pas l'horreur capitaliste qu'on peut voir dans certains pays plus sauvages sur la question, de type anglo-saxon. Bon, vous le savez bien, c'est le pays le plus redistributif du monde. Vous le savez bien, grâce à une droite qui était plutôt gaulliste, on a sanctuarisé l'État, et puis on n'a pas défait ce que la gauche avait construit. Donc la France est un pays singulier sur ce registre. Oui. Alors, c'est assez formidable. Je vous dis ça parce que, malgré cela, il y a quand même des bourgeois... hein, qui se tirent, qui vont au Portugal, on en a parlé, ils sont nombreux, des retraités, et puis il y a aussi des chefs d'entreprise qui s'en vont, des gens qui ont vendu des commerces, parce que c'est plus des hyper riches. Comment faire en sorte de garder ces gens-là à Quimper, à Dax, à Mulhouse, plutôt qu'à Zurich, Londres ou Il y a bien des manières de faire. J'ai indiqué tout à l'heure que déjà... Vous leur faites peut-être peur, vous Écoutez, ce qui est certain, c'est que je ferai ce qu'il faut... pour qu'ils fassent comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils payent ce qu'ils doivent. Après, s'ils veulent à tout prix rester à Lisbonne, pourquoi pas c'est leur affaire, ils ont bien le droit d'aller prendre l'air qui leur convient. Mais se soustraire à ses devoirs devant la patrie, non. On leur enlève la carte vitale ? Non, moi je ne parle pas de ces brutalités-là. Je dis, vous payez la part que vous devez en impôts à la France. Mais revenons sur ce que vous disiez, Monsieur Brunet, parce que ça va nous permettre de faire une petite remarque dans la profondeur philosophique de notre pays. Vous avez raison de dire que la droite, un temps, c'était une droite républicaine et sociale. Jamais aucun type de droite ne nous a parlé comme Macron a parlé aux gens. Jamais il y en avait un, ils étaient chrétiens. Donc ils disaient pas aux gens, vous êtes rien, vous êtes des illettrés, ou des choses comme ça. Je n'aime pas l'ambiance actuelle, cette radicalisation, Monsieur Brunet, même vous qui faisiez figure un temps d'excessif, vous passez pour un modéré, parce que toutes sortes de vos collègues se sont déboutonnés. Celui-ci traite les gilets jaunes de vermine, l'autre traite de... Cette ambiance où on a l'impression que les importants affichent un mépris pour le peuple, on fait pas vivre une grande nation dans une ambiance pareille. Qu'on se polémique, que ça soit dur, que quand les uns gagnent, ils font leur politique, et quand les autres gagnent, ils font leur politique, oui. Mais qu'on soit dans un système de haine, de mépris de classe, ça non, c'est insupportable. Et je dois vous dire que la droite macroniste est certainement la droite la plus féroce qu'on ait jamais vue. Et notamment, si vous voulez bien le regarder, dans les abus auxquels il se livre, dans l'usage de la violence policière et de la violence judiciaire. C'est sans précédent que la France soit montrée du doigt par l'ONU. Et nous avons tous honte de ça, n'est-ce pas ? Et nous n'avons pas mérité d'être traités comme ça. Voilà. Les policiers apprécieront. Les policiers apprécieront parce qu'ils ne se vivent pas du tout comme une police répressive, mais au contraire comme des policiers qui vivent dans grande difficulté face à une forme de violence tout à fait nouvelle à laquelle ils n'avaient jamais été confrontés jusqu'à présent. C'est exact, Monsieur Brunet. Je pense que les policiers apprécieront ce que je dis. Je vais leur dire la même chose que disait le préfet Grimaud en 1968. Qui bat un homme à terre se déshonore. Et je crois que les policiers sont utilisés dans des conditions absurdes. Le résultat, c'est qu'ils sont conduits, eux, à devoir régler une crise qu'ils ne peuvent pas régler. C'est une crise politique, elle doit donc être réglée politiquement. Vous savez, comme moi, qu'on en finira par une dissolution ou par une assemblée constituante pour régler les problèmes de fond. Aujourd'hui, on demande aux policiers de régler le problème. Et ils le font dans des conditions d'épuisement, dans des conditions d'utilisation de la force policière, qui fait que on arrive à des situations absurdes. Je ne connais pas un policier qui est heureux de savoir que 20 personnes aient perdu un œil. J'en connais pas. Et je crois qu'il n'en existe pas. Je crois qu'il n'en existe pas. Peut-être ici ou là un fou, hein. Mais non, il n'en existe pas. Personne n'a de goût à cette ambiance de guerre civile qui a été créée par Monsieur Castaner, parce que tout ça, c'est depuis que Monsieur Castaner est ministre de l'Intérieur, hein. Il est incompétent? Ah ben, je crois qu'il a une... Oui, on peut parler d'incompétence, déjà. Et puis, deuxièmement, c'est de l'incroyable pour un républicain. On n'a jamais vu ça. Un ministre de l'Intérieur se défausser sur la haute administration de la police. Mais il n'y a plus d'État républicain possible si les hommes politiques n'assument plus la responsabilité des ordres qu'ils donnent. Vous avez entendu, comme moi, Monsieur Castaner dire « Enfin, mes ordres ont été exécutés, il n'y a plus eu de problème. » Donc, si nous avons des problèmes depuis 3 mois, c'est à cause de la police. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit. C'est inouï, une formule pareille. L'homme politique doit assumer la responsabilité des ordres qu'il donne. Sinon, ce n'est plus une république, ce n'est plus une démocratie. Si on veut que les fonctionnaires obéissent, comme c'est leur devoir, servir et obéir, alors il faut que les politiques assument leurs responsabilités. Jean-Luc Mélenchon, il y a un an, vous étiez l'opposant numéro 1. Alors tout le monde vous présentait comme l'opposant numéro 1. J'avais rien demandé. Vous n'avez rien demandé, c'est assez casse-gueule, puisque bien évidemment... Arrive le jour où vous êtes le deuxième. Le temps a passé, désormais vous êtes un opposant dans la perspective de ces élections européennes. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé à la France insoumise? Les affaires vont plutôt bien, le développement a lieu, nous inventons des formes nouvelles, nous avons trébuché en cours de route, nous commettons des erreurs, et moi j'en commets. Bien sûr, je suis un être humain, j'ai jamais prétendu à un statut différent. Et puis, nous avons subi, pardon, monsieur Brunet, de le faire remarquer, mais je dois être le seul homme politique et la seule formation qui, chaque semaine, est pris à partie sur un sujet ou sur un autre, dans des conditions épouvantables. Par exemple, j'ai été repeint en antisémite un temps, parce que les Gilets jaunes, on disait qu'ils étaient antisémites. La semaine d'après, j'étais repeint en violent. Alors, à force, ça finit par marquer les esprits. Et puis, en plus, nous sommes dans un moment, comment vous dire, de dégagisme et de scepticisme à l'égard de toutes les représentations politiques. Et en effet, il arrive que nous aussi, nous soyons touchés par cette crise. Mais c'est pourquoi, normal que ça ait lieu. Mais pourquoi, après 4-5 mois de mouvement des Gilets jaunes, vous sortez à 7 ou 8% dans les sondages? Pourquoi? Ah, vous retardez dans le jour 2, nous sommes à 9,5 et même à 10 ce soir. Vous prie de m'excuser. Ah, j'en ai vu un à 7,5. Oui, c'était il y a 2 ou 3 jours. Il y en a un autre à 9. Et oui, et même à 10 ce soir. À 10 ce soir? Oui. Ah, vous me l'apprenez. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Vous me l'apprenez. Oui, mais attendez, je sais bien que je vous l'apprends parce que moi-même j'ai découvert dans le métro. Mais j'ai essayé de regarder. Vous êtes venu en métro? Pardon? Vous êtes venu en métro? Bah oui, j'ai pas de voiture, j'ai pas de chauffeur. Ça, c'est dans la presse qui écrit que mon chauffeur est sur la ligne. J'ai pas de chauffeur, j'ai pas de voiture. C'est facile quand on est Mélenchon de se promener en métro comme ça. Les gens vous apostrophent. Ça ne doit pas être simple. Disons que je suis plus souvent incommodé par les marques d'affection que par le reste. Les Français, d'une manière générale, sont courtois. Dans le métro, les gens savent tous le poids de la vie, ont pas envie qu'on les embête, donc ils embêtent pas les autres. Alors il arrive, en effet, que des gens me sautent au cou. Mais bon, disons que c'est un désagrément qui est pas si pénible. Vous avez pas de Mélenchon salaud, de trucs comme ça? Non. Bien sûr, ça pourrait se produire. Ouais. Disons que je suis prudent parce que vous savez que 10 personnes avaient projeté de me tuer, qu'il y en a encore 6 qui sont en prison, que je suis sous menace de mort, 5 parlementaires insoumis le sont. Bon, on vit avec, on va pas non plus, vous savez que je viens d'Afrique du Nord, donc je n'ai qu'une réponse à ça, Mektoub. Quand c'est le jour, ici ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. Mais je veux répondre quand même à votre question sur les européennes, parce que Dans un temps, nous avions une attitude radicalement critique à l'égard des sondages. Nous disions, à la suite de Pierre Bourdieu, l'opinion publique n'existe pas, c'est une construction. Soit. Mais en attendant, les sondages jouent un rôle dans la construction de l'opinion. Donc nous avons pris le problème par un autre bout, c'est de les étudier chaque fois et d'évaluer leur validité mathématique. Vous savez que beaucoup de gens sont des matheux autour de nous. Le numéro 2 de notre liste est un docteur en maths, bon, Manuel Bompard. Donc il y a beaucoup de gens qui savent manier cette matière. Et nous sommes partis d'une idée ouverte. On s'est dit, où est le problème d'après eux? Alors bon, il y a des arrangements, allez, on laisse ça de côté, ça compte pas. 0% d'étudiants qui votaient pour nous, par exemple, une fois. On a dit, ah ben non, ça c'est pas possible. Mais j'ai mis tout ça de côté. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, l'abstention est très forte dans votre famille politique. Nous, insoumis. Nous sommes ceux dont les électeurs votent le moins dans cette élection. Alors, essayons de regarder en face cette réalité qui nous déplaît. Pourquoi votent-ils moins? D'abord parce qu'ils sont très hostiles au système européen. Et ils se disent, à quoi bon aller élire des députés? Ce qui est une erreur, parce qu'ils abandonnent le terrain. J'aime mieux vous dire que M. Macron, si jamais il gagne l'élection européenne en étant en tête, il va sortir de là en disant, j'ai feu vert. Donc c'est une erreur. Mais massivement, les gens de notre famille politique, jusque-là, maintenant c'est en train de bouger, pensaient que ça servait à rien. Ils sont en train de comprendre que ça sert à quelque chose, et du coup notre situation s'améliore, et j'espère qu'elle s'améliore encore jusqu'au 26 mai. Mais M. Brunet, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, la démocratie, d'abord il faut savoir pas seulement accepter de gagner, mais des fois accepter de perdre, sinon il n'y a pas de démocratie. Deuxièmement, moi je ne souhaite pas perdre, j'ai horreur de ça, mais on l'a il vu. Faut faire campagne. Si vous permettez, on l'a vu. On l'a vu. Je ne veux pas revenir sur les moments désagréables, mais enfin, franchement, vous avez quoi comme lecture, là, aujourd'hui, a posteriori, de votre coup de mou après la présidentielle? Ah non, on ne vous a pas reconnu. Écoutez, c'est une chose qu'on m'a attribuée. J'avais bon moral. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Peut-être est-ce mon visage. Vous savez, j'ai les traits assez simplement graves. Alors on dit il est fâché, pas du tout. Ou il est dépressif, absolument pas. Ça m'arrive, hein. Mais non, je n'ai pas eu de coup de mou. Maintenant, Monsieur Brunet, j'aurais pu, hein. Parce que lorsque le destin passe au bout de vos doigts, bon, on peut rire de la formule, mais moi, elle m'a été bien utile de dire à 600 000 voix près, on était au deuxième tour. C'eût été un événement mondial. D'ailleurs, mon score est un événement dans toute la gauche du monde, hein, et dans tous les courants alternatifs. Très important. Je voudrais qu'on réussisse à en parler aujourd'hui. Allez-y. On va parler d'union à gauche. D'union à gauche, ça, c'est un projet que vous caressez, justement, et pas seulement du bout des doigts. Attendez. Allons-y. Regardez ce que dit Benoît Hamon, et après, on parle de la Fédération Populaire. Moi, je suis favorable à ce que des discussions s'ouvrent. Et puisque il y a des points d'accord, des points de désaccord, regardons ensemble ce autour de quoi nous pouvons nous entendre, sur la transition écologique, sur la transformation de la Ve République, sur les questions sociales aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous réunit, au fond? Après les européennes, discutons. Discutons. Vous êtes tous, prêts, Laurent, tous, que toute la gauche discuter. Et les écologistes discutent et qu'on se mette autour d'une table plutôt que de rester les uns et les autres à nager dans nos couloirs de nage respectifs. Bon, la gauche, c'est un peu, je sais pas, c'est contre sa culture, mais enfin, elle est diablement morcelée en ce moment. On a l'impression que chacun est recroquevillé dans son coin, mais pourtant, médiatiquement, chacun dit, ah, attention, il faudrait absolument s'unir. Est-ce qu'il y a des vrais désirs d'union? Non, il y a beaucoup d'hypocrisie dans tout ça. Vous l'avez vu d'ailleurs. Tous me jetaient la pierre après l'élection. C'est à lui, il devrait rassembler, il ne le fait pas. Bon, alors très bien, ben rassemblez-vous déjà entre vous. Ah ben non, c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie, vous le savez bien, mais cette hypocrisie est intéressante parce que c'est une espèce de hoquet de l'histoire. Ils font comme on faisait dans les années 70. Alors, on dit union, union, et alors celui qui est le plus unitaire bénéficie des faveurs du public. Mais tout ça est fini, est mort. On c'est a pas bien le fait sujet. Le programme commun. On a bien oui, fait mais le programme commun. Le programme commun, pardon, Monsieur Brunet, mais c'était en 1972. Le premier qui a lancé l'idée du programme commun, c'est Waldeck Rochet, le communiste, en 1956. Donc ça a pris un temps fou. Il a fallu qu'il y ait les événements de 68 pour que, enfin, les gens se rapprochent. Et puis c'était une autre période, c'est-à-dire que le système de représentation politique marchait. Les ouvriers votaient communistes et les contremaîtres votaient socialistes et la classe moyenne votait socialiste. Tout ça a disparu. Qu'est-ce que c'est que votre projet de fédération populaire, justement? J'admets, Monsieur Brunet, que ce n'est pas simple à expliquer parce que ça, c'est une idée complètement neuve qui n'a jamais été appliquée dans notre pays. Elle consiste en ceci. Non, on ne se réunit pas entre appareils pour discuter, comparer nos documents respectifs et se battre pour une virgule, un adjectif ou une poignée d'euros au salaire minimum. Non, on part de la nécessité de fédérer le peuple, l'action populaire. Donc d'être à la fois dans l'action et d'être dans un programme qui permet cette fédération. Donc, c'est pas de nos programmes dont il faut discuter, c'est de ce qui émerge de la société elle-même. Et nous allons commencer dans les municipales. Si dans les municipales on recommence, mais avec qui vous allez discuter ? Vous allez voir. Laissez-moi juste pour la méthode, parce que j'admets que c'est pas facile à comprendre. Le mot fédérer a un sens particulier. Il s'enracine dans la profondeur de l'histoire de France. La première fédération qu'il y a eu, c'est en 1789. Les gens s'auto-organisaient parce que c'était la pagaille partout. Et pour qu'il y ait de l'ordre, ils s'auto-organisaient. Je propose donc de fédérer. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir rassembler aussi bien des organisations syndicales, si c'est possible, des associations, si c'est possible, surtout des collectifs de citoyens. Et que tout ça ensemble produise, notamment dans les élections municipales, un programme, des listes. Et nous avons besoin de revitaliser la politique en France par ce retour à la profondeur populaire. Je me permets de dire qu'on a essayé de le faire avec notre liste aux élections européennes. On a créé un comité tiré au sort, qui a choisi au milieu de 600 candidats, et qui a fait, ils ont pris leurs propres critères de métier, de géographie, etc. Et vous avez une liste, celle que nous présentons, qui est composée de militants politiques d'à peu près tous les partis, de l'ancienne gauche, d'à peu près tout le spectre syndical, et tout le spectre associatif. Pas tout le spectre associatif, j'exagère. Mais une bonne partie, à commencer par notre tête de liste, Manon Aubry, qui vient du monde associatif. Oui. Alors, c'est cette méthode-là que je propose. Ce que j'essaye de dire aux amis, pardon, ça, c'est pas sympa, mais regardez ce qu'on est, quoi. Faites le total et vous voyez que c'est pas avec ça qu'on fait une majorité. Donc, avec quoi comptez-vous faire une majorité ? Il faut donc demander au peuple de s'auto-constituer comme partenaire politique, comme intervenant politique. C'est pas dur à comprendre. Regardez comment on fait les gilets jaunes. Mais je reconnais que c'est pas, ça sort trop de l'habitude, quoi. J'ai compris, fédérer les associations, les élus, les syndicats, etc. Tout ce qui bouge. Ça, c'est pour après les européennes. Dites, je vous écoutais à l'instant et je me disais que finalement vous n'avez pas de chance parce que le monde se droitise. C'était être de gauche aujourd'hui dans le monde, en Europe, oui, et singulièrement en France. C'est moins facile qu'à une certaine époque. C'est je sais vrai. Pas, on évoquait les années 70, l'émergence du mouvement ouvrier à la fin du 19e. Ouais. Le monde, c'est diablement droit. Oui, on est, monsieur Brunet, vous avez tout à fait raison. Et on est plus proche du 19e siècle que du 20e, hein. De la sauvagerie, de la dureté du 19e siècle. Mais vous avez raison de dire que, nous sommes pour l'instant, alors il y a des hauts et des bas, hein. On a eu, quand le mur de Berlin est tombé, beaucoup ont dit, allez, c'est la fin du monde, c'est terminé, la fin de l'histoire, il n'y aura plus jamais de progressisme, comme si l'URSS était à soi tout seul une garantie. Bon, et puis après, il y a eu la vague démocratique en Amérique latine, puis elle a reflué. Et aujourd'hui, la bataille est d'une férocité totale sur dans le Nouveau Monde, comme on dit. Et chose nouvelle, aux États-Unis, la bataille est d'une férocité totale avec l'émergence de Sanders, etc. Bon, et en Europe, bon, clairement, ça va mal pour nous, hein. Les courants d'extrême droite percent un peu partout, mais c'est l'heure du courage. Il faut tenir bon, il faut être capable d'aller voir ceux qui sont très fâchés mais pas fachos et leur dire, écoutez, là vous êtes en train de faire une bêtise. Vous avez raison, c'est dur, mais chacun doit assumer sa responsabilité dans le temps et dans l'histoire. Monsieur Brunet, demain, aujourd'hui, il y a les élections en Espagne. On va voir. Peut-être qu'on va avoir une bonne nouvelle et qu'on va avoir... une victoire de Podemos, qui est allié là-bas avec le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol. Bon, alors là-bas, les socialistes, ils veulent bien de Podemos pour faire une majorité. Alors évidemment, ils sont devant, mais ici, ils sont derrière moi, ils pourraient quand même bien vouloir de moi, non ? Un peu m'aider, au lieu de me jeter des pierres sans arrêt. Voilà, moi je suis là avec mes amis, vous avez vu, on est capable de montrer toute une équipe. Alors, quand les gens voudront, eh ben, on gouvernera avec eux. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon, merci d'être venu sur BFM TV ce soir. le Louvre et la start-up Airbnb lancent un grand jeu concours. Le gagnant passera un dîner et une nuit dans le musée. La Joconde a tenu à réagir. Bonjour Mona Lisa. Salut Nico. Donc maintenant au Louvre, on fait aussi dans l'hôtellerie, quoi. Il y a des gens qui vont venir crêcher dans ma piole, c'est ça ? Déjà que je me tape les hordes de touristes toute la journée, puis là vous êtes tranquillement en train de m'expliquer qu'il faut en plus que je continue à sourire toute la nuit devant deux andouilles qui sirotent un spritz. Apparemment j'ai intérêt à être aimable, sinon c'est un coup à se retrouver avec des mauvais commentaires sur TripAdvisor. Il faut vraiment que votre ministre de la Culture arrête de déjeuner avec celui de l'économie, hein, ça va pas du tout là. Je vous rappelle que c'est avec des idées pareilles qu'aujourd'hui en France, les gamins sont persuadés que Picasso c'est une vieille Citroën. Déjà que l'an dernier, j'ai servi de décor pour un clip de Jay-Z et Beyoncé. Donc maintenant, il suffit plus d'avoir été peinte par Léonard de Vinci. Aujourd'hui, à 500 ans, si t'as pas tourné dans un clip de rap, t'as raté ta vie d'œuvre d'art, c'est ça ? Ouais, bah résultat, je passe mes journées à voir des gens qui font des chorégraphies de Beyoncé dans la galerie. Au Louvre, on a des tableaux de Michel-Ange, de Géricault. Tout ce qui intéresse les gens, c'est de faire la chorégraphie de Beyoncé devant les tableaux pour les poster sur Instagram. Et encore, on a évité le pire. Imaginez un peu le merdier si ça avait été Christine and the Queen. Bon, au Louvre, ils veulent qu'on soit dans le coup. Mais je suis une œuvre d'art, j'ai toujours été dans le coup. Non mais allô, quoi, je suis la Joconde. Même Lady Gaga, elle peut pas tester, ok? Donc, si je reviens à la soirée qui m'attend le 30 avril, je prends l'apéro avec des inconnus dont je me fous totalement de la conversation. Bon, comme d'hab, je vais rester dans mon coin en faisant semblant de sourire. On savait que c'était la crise du logement à Paris, mais on savait pas que ça allait arriver jusqu'à chez nous. Hidalgo démission! Ensuite, pour le dîner, la table est dressée devant la Vénus de Milo. On en a parlé, elle est au courant. Elle m'a dit les bras m'en tombent. Oui, on fait des petites blagues entre chefs-d'œuvre. Vous comprenez, l'avènement du smartphone, c'est terrible pour nous. Je me souviens même plus du jour où un visiteur m'a regardé droit dans les yeux. J'ai été peinte par un génie et aujourd'hui, j'ai autant de considération qu'une vedette de télé-réalité. Mais au fait, je croyais que la mairie de Paris était en procès avec Airbnb qui fait flamber l'immobilier. Ça, c'est un petit peu détendu, les relations, on dirait. Merci, Mona Lisa. Charline Vanhoenacker. Nous sommes dans la situation curieuse où le cadreur est accrédité, mais pas le rédacteur. J'espère que ce n'est pas ma personne ou mes propos qui sont en cause. Non, du tout. Mais non, c'est assez étrange. Eh bien voilà, comme de nombreux journalistes, nous voulions aller à l'Élysée. Le média voulait poser plusieurs questions au président de la République, des questions sur les journalistes molestés dans les manifestations, des questions sur les gilets jaunes, les blessés, les condamnations, le mouvement social en général. Nous voulions faire notre travail. Et donc nous avons appelé le service de presse de l'Élysée pour savoir dans quelles conditions nous pouvions être accrédités. Nous avons fait notre demande hier matin. On nous a répondu que nous étions hors délai puisque les inscriptions officiellement se terminaient à 10h du matin, mais qu'il y avait une petite tolérance et que jusqu'à midi, il était encore possible d'être accrédité en dernière minute. Nous pensions donc pouvoir vous rendre compte de cette conférence de presse. Et ce qui s'est passé, c'est que Élie a reçu une confirmation d'accréditation hier soir, tard, alors qu'il a envoyé sa demande après la mienne. Moi, j'ai rien reçu, donc ce matin, je me suis inquiété, j'ai appelé la coordinatrice de la presse à l'Élysée et il m'a été indiqué que comme j'avais rempli ma demande hors délai, bien évidemment, elle avait été rejetée par le logiciel. Alors, tout à l'heure, nous avons rappelé la coordinatrice pour lui dire qu'il y avait quand même quelque chose de bizarre et je vous laisse écouter la scène. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Allô ? Oui, bonjour, Serge Faubert à nouveau. Je me permets de vous rappeler parce que vous m'avez indiqué que j'étais hors délai pour la demande d'accréditation, ce que je peux concevoir. Mais en revanche, mon cadreur qui a envoyé sa demande d'accréditation à 12h30 hier a obtenu... Élie Bonneton. Il a reçu un mail de confirmation. Donc nous sommes dans la situation curieuse où le cadreur est accrédité mais pas le rédacteur. J'espère que ce n'est pas ma personne ou mes propos qui sont en cause. Non, du tout. Mais non, c'est assez étrange. Alors que peut-on faire ? Eh bien, ma foi, pas grand-chose. Un instant. Je vous en prie. Allô ? Oui. Oui. Écoutez, là, je ne sais pas quoi vous dire. C'est bien embêtant. Non, mais... Bah, c'est pas que c'est embêtant, c'est une réalité, c'est juste que il n'y a pas d'explication logique. Et alors, est-ce qu'il... C'est informatique, donc nous, on ne fait rien manuellement. Et est-ce qu'il ne nous est pas possible de vous affranchir du système informatique afin que je puisse participer à la conférence. Non, mais là, pas du tout. C'est vraiment la sécurité, c'est trop tard. C'est vraiment pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en toute honnêteté, non. C'est juste pas possible. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que j'ai beau chercher, en plus, je ne vois pas. Donc, c'est ça qui me gêne. Vous ne voyez pas qui ma demande ou la demande de mon cadreur? Celle du cadreur. Ah, si, puisqu'il a reçu un mail qui est signé, qui est signé par vous, oui, voilà. Je ne l'ai pas là. Donc, c'est assez étrange. Alors, attendez. Parce que justement, comme je ne l'ai pas dans la liste, je ne comprends pas. Vous patientez un instant? Je vous en prie. Tout ça peut venir. Présidence de la République, nous vous prions de bien vouloir patienter. Bon, j'ai trouvé l'explication. C'est une erreur du logiciel. L'adresse de votre caméraman a été mise à un autre journaliste. Donc lui, il n'a pas dû recevoir son accréditation. Et pour une raison, j'ignore, le système a mélangé les choses. Mais c'est vraiment pas l'adresse de votre collègue et au nom de monsieur. Je suis désolée. Bon. En plus, c'est vraiment une erreur. Et comme nous, on a fait un copier-coller des adresses mail de la liste, on a envoyé à cela. Donc, c'est vraiment un problème de logiciel. Je suis sincèrement désolée. Que peut-on faire maintenant pour que nous puissions assister à cette conférence de presse? On ne peut rien faire. On ne peut rajouter personne. C'est beaucoup trop tard. Tout a été criblé par la sécurité depuis hier. Et on ne peut vraiment rien faire. Je suis sincèrement désolée. C'est une ligne électronique. C'est pas volontaire. Bon. C'est pour ça que je trouvais pas son nom, puisqu'en fait, en cherchant son nom dans les adresses mail, que j'ai trouvé le nom de votre collègue, mais pas dans ma liste. C'est vraiment une erreur informatique. Je suis sincèrement désolée, mais là, moi, je ne comprends pas. Comme je vous dis, en plus, je n'avais même pas le nom dans l'appli. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va voir avec notre presta. Mais sincèrement, je n'ai pas son nom sur la liste. Bon, écoutez, je prends acte de vos explications, même si je suis à moitié convaincu, mais. On n'a jamais fait de choix ou quoi que ce soit délibéré. Non, on est vraiment sur la ligne. Les accréditations sont arrêtées. On est parti là-dessus pour la sécurité parce qu'on n'avait pas le choix au niveau des délais. Mais en toute honnêteté, vraiment, je vous assure, je ne vous donne plus pas d'excuses, mais c'est vraiment pas. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il faut que je voie avec notre prestataire comment c'est possible. Mais en toute honnêteté, vraiment désolé. Entendu. Merci à vous. Au revoir. Je vous en prie. Au revoir. Donc voilà, le logiciel de l'Élysée, on espère que c'est pas celui qui lance les missiles nucléaires, le logiciel de l'Élysée a donc autorisé Élie à aller à l'Élysée filmer en pensant que c'était une autre personne. Et moi, qui me suis inscrit donc avant Élie, moi ça a été refusé parce que j'étais hors délai. Voilà, donc je vous laisse juge de la qualité des prestataires de l'Élysée. Et on ne montrera pas de l'idée quand même qu'il y a derrière peut-être une intervention humaine, voilà, qui viserait le média. En tout cas, j'attends avec impatience les explications techniques qui nous convaincront ou non de la bonne foi des services de l'Élysée. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Caroline. Jean-Luc Mélenchon se rendra-t-il à la convocation des policiers ce matin à Nanterre? Évidemment qu'il s'y rendra. Nous n'avons jamais voulu autre chose que d'être considéré et traité comme tout justiciable doit l'être. Et donc évidemment, il se rendra à cette convocation. Parfois, il a été convoqué, il n'est pas allé. Donc cette fois-ci, il ira. Il ira. Et je dois dire, y compris que même si les images que vous avez vues peuvent susciter de l'émotion, parce que pour nous, il y en avait beaucoup, et de la colère par rapport aux forces qui avaient été déployées, qui nous paraissent complètement disproportionnées. Eh bien, nous n'avons jamais voulu entraver le travail de la justice parce que nous n'avons rien à cacher. Au contraire, nous avions voulu assister à une perquisition et d'ailleurs, légalement, rien ne nous interdisait d'y assister. On va en parler, Adrien Quatennens, de tout ça. Je voudrais juste vous parler, non pas alors, si vous pouvez mettre de côté la casquette La France Insoumise, vous, élu, jeune député, est-ce que c'est l'idée que vous vous faites de la politique, de la façon dont on doit faire de la politique? Est-ce que vous étiez à l'aise, personnellement à l'aise, avec autant de vociférations, autant de violences? Moi, Caroline Roux, je vais vous dire, avant les situations de colère que nous avons exprimées, ce qui m'a mis très mal à l'aise, c'est ce à quoi j'ai assisté. Et puisque votre émission s'appelle « Les quatre vérités », oui, je vais vous dire les quatre miennes ce matin. Allez-y. D'abord, premièrement, je veux dire à celles et ceux qui nous entendent que les affaires prétendues qu'ont justifié ces perquisitions n'en sont pas. dans l'une des deux est le fait d'une dénonciation qui nous vient tout droit du Parlement européen et dont l'auteur elle-même a dit que c'était voilà pour faire un pied de nez à la justice sur l'affaire des assistants au Parlement européen. La deuxième, les comptes de campagne, ils ont été validés et jugés réguliers par la Commission des comptes, contrairement aux comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Ensuite, il y a une partie qui n'a pas été validée, vous le savez bien, plus de 400 000 euros. Alors, la Commission a validé, et nous avons publié nos comptes, contrairement à M. Macron, qui lui ne fait pas la même chose. En général, à chaque fois qu'il y a des affaires, on a des hommes politiques qui nous disent qu'il n'y a pas de dossier. Non, mais vous le verrez, de toute façon. Et clairement, je vois notre probité, vous en aurez la démonstration. Deuxième, il faut laisser faire la justice. Bien sûr, et elle fera son travail. La deuxième vérité, Caroline Roux, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce pays, que l'on soit un ami de Jean-Luc Mélenchon ou un ami d'Emmanuel Macron, nous ne sommes pas traités de la même manière. Je m'explique. Oui. Emmanuel Macron, qui est aussi visé par une enquête préliminaire sur ses comptes de campagne, avez-vous vu une quinzaine de perquisitions chez ses proches? Au siège de la France Insoumise, Madame Caroline Roux, il n'y a que des tracts et de la documentation politique, pas des armes à feu comme dans le coffre-fort de La République en Marche. Oui. Pour autant, avons-nous vu qu'il y avait des perquisitions chez Monsieur Castaner à 7h du matin avec tous ses proches? Ensuite, attendez. Est-ce juste, qu'on a le droit, c'est vos quatre vérités, mais terminer, j'ai quand même le droit de poser une ou deux questions. Très rapidement. Ensuite, est-ce que vous avez dénoncé l'acharnement de la justice quand il y a eu des perquisitions chez François Fillon? Est-ce que vous avez dénoncé l'acharnement de la justice lorsqu'il y a eu des perquisitions, presque une dizaine, au Front National? Alors, à la POC. Eh bien, vous me permettez de dire la troisième vérité, qu'il y a véritablement dans cette affaire, finalement, quelque chose qui est purement politique. Et c'est une affaire politique maquillée en affaire judiciaire. Je m'explique. Contrairement au Modem, par exemple, où il y a eu une perquisition, en effet, ça faisait l'objet du travail d'un juge indépendant d'instruction, qui lui est indépendant, Caroline Roux. Nous, pourquoi avons-nous fait l'objet d'une mesure d'exception, une enquête préliminaire qui fait que, et vous savez comme moi, Caroline Roux, que le procureur, le parquet n'est pas indépendant. Il est directement dépendant du ministère de la Justice. Et Emmanuel Macron, Édouard Philippe, eux-mêmes, il y a quelques jours encore, disaient « Nous voulons avoir un droit de regard sur les procureurs parce que c'est éminemment politique. » Voilà ce que je veux dire. Et la quatrième chose, c'est de dire que rien ni personne, Caroline Roux, n'est en mesure de nous intimider pour nous empêcher de mener le combat des idées que nous mènerons. Avez-vous tenté d'intimider la justice, vous? Absolument pas. Je rappelle qu'il y a une enquête, le parquet a porté plainte pour menace ou acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. La question est très simple. Si c'était à refaire, encore une fois, puisqu'on parle de vérité ce matin, est-ce que bousculer un substitut du procureur, c'était indispensable? Non, mais regardez les images à ce moment-là. Regardez, il y a aussi des violences qui ont été commises de la part de la police, etc. Donc on c'est donnant-donnant. Non, mais moi, je vous accorde le fait que les images qui ont été prises et le moment était un moment d'extrême tension. Caroline Roux, au moment où vous voyez ces images, comprenez que des dizaines de gens qui sont des collaborateurs dévoués, qui ont en moyenne à peu près 30-35 ans d'âge, qui sont des gens qualifiés. Si c'était à refaire, vous le referiez de la même manière. Nous exprimions une colère. Voilà. Aujourd'hui, la tension a rabaissé. Moi, j'appelle de mes voeux à ce que la tension rabaisse. Jean-Luc Mélenchon, hier, a donné une conférence de presse. Il l'a dit lui-même. Mais comprenez cette horreur, cette violence qui s'est exprimée. Enfin, nous avons fait l'objet d'un dispositif, Caroline Roux, qui s'apparente du point de vue des forces déployées, une centaine de policiers partout sur le territoire. Nous ne sommes pas des bandits, des voyous. C'est une mission antiterroriste quasiment qui s'est déployée. Vous n'avez pas affaire à un gang, vous avez affaire à des gens qui sont des militants politiques, méthodiques, sérieux, consciencieux. Est-ce que vous croyez, Adrien Quatelens, à l'exemplarité lorsqu'on est élu de la République? Est-ce que vous vous mettez à la place de ces Français qui regardent ces images-là et qui voient un élu, et puis il est républicain, il le dit souvent, Jean-Luc Mélenchon, bousculer des policiers, un substitut du procureur? Est-ce que la notion d'exemplarité, là, vous voyez ce que je veux dire? Que peuvent penser les Français qui regardent ces images-là? Évidemment. Et je ne demande vraiment pas d'excuser notre colère. Je demande de la comprendre. Je demande de la comprendre. Elle est circonstanciée. Et elle est circonstanciée parce que nous faisons l'objet de quelque chose qui est complètement disproportionné. Voilà ce que nous disons. Ça veut dire que vous regrettez? Ce serait grave de dire ce matin que vous regrettez la façon, la méthode. Moi, j'aimerais, avant de pouvoir exprimer soit des regrets sur la scène qui s'est produite, vraiment qu'on tire le fil. Ce serait pas si grave. Mais qu'on rembobine, en tout cas, sur ce qui s'est passé. Vraiment, entendez ça. Ce qui devrait vous indigner comme journaliste, c'est les conditions dont nous avons fait l'objet. Justement, est-ce que vous allez, vous aussi, donner des suites judiciaires à tout cela? Moi, je veux d'abord, bien évidemment, il y a des suites judiciaires. Nous sommes entourés d'avocats. Mais je ne suis pas très aguerri sur la procédure judiciaire. Moi, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire étant politique, la riposte politique sera totale. Il faut savoir que nous rendrons les coups au centuple politiquement. Parce que, quoi qu'on en pense, sans faire de théorie du complot, Caroline Roux, à l'heure où je vous parle, d'accord, vous avez à peu près 20 000 photos de vacances de Jean-Luc Mélenchon, plein de données personnelles de tous nos collaborateurs. J'ai des amis personnels qui ont été 7 heures cloués au pilori chez eux, à qui on a pris toutes leurs données personnelles. Même des gens qui ne travaillent plus avec Jean-Luc Mélenchon. Quel usage peut-on faire des photos de vacances de Jean-Luc Mélenchon? Je me pose la question de savoir quel usage est utile, surtout que tous nos comptes ont été validés, qu'on a fait cette démonstration. Mais par contre, une chose est sûre, Caroline Roux, quoi qu'on en pense, à l'heure où je vous parle, toutes ces données, tout ce qui concerne la France insoumise, en long, en large, au travers, nos fichiers d'adhérents, nos donateurs, toutes les stratégies politiques, publics sont entre les mains d'instances, c'est un fait, qui dépendent soit du ministère de l'Intérieur pour la police, soit du ministère de la Justice. Et dire donc, ça, c'est juste un fait. Donc vous demandez la restitution de ces documents? Vous demandez la nomination d'un juge d'instruction? Nous ne demandons rien d'autre que d'être considérés comme tout justiciable doit l'être. Et donc, normalement, et quand c'est généralement le cas des affaires politiques que vous avez citées, il y a la nomination d'un juge indépendant d'instruction. Si ça avait été le cas, ça ne serait pas passé pareil. Et d'ailleurs, la perquisition se serait faite dans d'autres circonstances, puisqu'il y aurait la présence d'un avocat. Et je vous le dis, parce que on voit les images où on accède aux locaux, malgré le fait que les policiers ne le voulaient pas. Nous avons pu vérifier, légalement, rien n'interdisait aux parlementaires d'être présents à cette perquisition. Nous ne voulions absolument pas l'empêcher, nous voulions y collaborer et être présents. Adrien Quatennens, est-ce que vous êtes à l'aise, encore une fois, lorsque le Rassemblement National vous applaudit? Mais moi, enfin, Jean-Marie Le Pen dit « Jean-Luc Mélenchon a raison ». Mais si vous voulez, moi, je comprends l'usage politicien ou journalistique qu'en effet. C'est-à-dire, Pierre dit pareil que Paul, donc Pierre et Paul sont copains. Mais force est de constater, quelles que soient les affaires judiciaires, quel que soit l'épilogue judiciaire qu'il y aura, aujourd'hui, la vérité, c'est que dans ce pays, deux grands opposants d'Emmanuel Macron sont entre les mains de la justice. Elle doit faire son travail. Mais parce qu'il y a ces affaires judiciaires, il y a des espèces de scans complets en long, en large et en travers de ces forces politiques qui sont entre les mains de la justice. L'idée, c'est un peu non, je ne regrette rien. Est-ce qu'il y a une autre vidéo qui tourne? C'est plus que ça, Caroline Roux. L'idée, c'est une alerte. C'est une alerte sur le fonctionnement démocratique. Sur la... Encore une fois, je veux dire... Est-ce que vous avez confiance dans la justice de votre pays, Adrien Quatennens? Sincèrement? Moi, je fais confiance à la justice. Elle doit passer. Mais ce que j'ai vécu mardi, franchement, je vous le dis, en plus pour un jeune militant politique engagé depuis peu et jeune élu, me montre la violence et me rappelle que la politique, c'est un combat d'idées. Et que parfois, on le sait, regardez le cas de M. Benalla. Sa perquisition, il a quand même eu le temps de vider un coffre dont certains nous disent qu'à l'intérieur de ce coffre, il y avait de quoi faire tomber l'État. Donc on voit que tout ça peut être extrêmement violent. Dernière question. Il y a une journaliste de France 3 qui a été moquée par Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle avait l'accent marseillais, enfin l'accent du Sud. Là aussi, sur la méthode, c'est pas si grave. Non, mais elle n'a pas été moquée par son accent. C'est juste qu'à un moment donné, enfin, c'est encore une fois, c'est juste la détestation du fait qu'il n'y a absolument pas de question qui nous est posée sur le fait générateur. Moi, je veux bien qu'on passe des heures à commenter notre colère. Elle était là, je vous l'ai dit, je l'ai admis. Mais on en a parlé ce matin. On discute vraiment du fait générateur et de comment ça a été fait. Et je pense que vous avez pu vous exprimer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. C'est à vous, Laurent. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous les deux. Thank you. voter l'amendement qui est proposé parce qu'il est opportun et bien situé. J'observe cependant qu'à cet instant du texte, vous avez sont évoquées une série d'autres menaces et je voudrais souligner combien il est également pertinent d'avoir évoqué l'emploi des armes chimiques. Je ne sais pas si aujourd'hui la banalisation de leur emploi est de fait. Comme vous savez, ceux qui l'emploient, ça donne sujet à toutes sortes de discussions sur qui est vraiment l'utilisateur de telles armes. Mais en attendant, nous, Français, nous avons fait adopter la Convention contre l'utilisation des armes chimiques en 1993 sous l'autorité du président Mitterrand. Et nous sommes donc particulièrement attachés au respect scrupuleux de cette convention. Quoique nous n'ayons pas réussi à l'époque à faire signer par les Américains, qui à partir de là ont dissuadé tous les autres de le faire, des armes bactériologiques. Et elle est citée à cet instant un peu plus loin, les risques biologiques. La vérité, c'est que plusieurs pays continuent à s'armer dans ce domaine et que c'est un danger terrifiant. Vous avez raison de parler du nucléaire tactique et vous avez raison de le faire parce que pour nous autres, Français, le nucléaire tactique n'a pas à exister, puisque pour nous, il ne peut pas y avoir de bataille nucléaire, il ne peut pas y avoir de théâtre d'opération à bataille nucléaire, et donc il est important que dans notre texte, on rappelle que jamais nous n'admettrons l'idée qu'il puisse y avoir un usage dit tactique. Il ne suppose qu'une seule chose, un pays qui a une immensité et une profondeur de population telle que l'arme puisse être dite tactique, quoi qu'on sache tous de quelle horreur il s'agit. Mais en attendant, pour nous, Français, cette possibilité n'existe pas, donc nous la refusons à tous les autres. Je vous remercie. Monsieur Mélenchon, vous aviez demandé aussi un rappel au règlement. Je vais vous laisser la parole. Du même article que mon collègue Chassaigne et que celui qui vient de s'exprimer avant moi. Homores au tempora, où en est-on ? À la fin, tout le monde a bien compris qu'il n'y a rien dans nos propos qui vise la personne de Madame Belloubet pour qui nous avons le plus profond respect. Mais précisément, elle est la garde des Sceaux. Comment le garde des Sceaux peut-il s'exprimer d'une façon pareille devant le Parlement ? Je dis homores au tempora parce que on a connu sur ces mêmes bancs, c'était les mêmes, hein, sous la Troisième République, un gouvernement renversé parce qu'un ministre avait applaudi pendant une intervention. Et cela avait été considéré par les républicains sourcilleux de l'époque comme une tentative de coup d'État. On était un peu qu'on avait les nerfs très fragiles, semble-t-il. On n'en est pas là, mais enfin, c'est le rôle, personnellement, ma remarque se tourne évidemment à l'exécutif, c'est à lui de dire peut-être une parole à cet instant, mais aussi à l'égard du président de l'Assemblée, qui n'est pas l'organisateur d'un match de football, ni un surveillant général. À un moment où un ministre dit que les documents, amendements posent problème qualitatif, ben non, c'est pas possible. Le président de l'Assemblée dit au nom de la dignité de cette Assemblée, je ne le permets pas, et l'affaire est close. Au lieu de quoi, nous faisons une série d'interventions pour être obligés de rappeler que le souverain est ici et nulle part ailleurs. Merci, monsieur le député. L'orateur précédent va être totalement satisfait. Nous ne réclamons rien de ce qu'il combat. Par conséquent, la question est close. Nous ne demandons pas le désarmement immédiat et unilatéral, ni rien de tout cela. Cet amendement, comme quelques autres que vous allez voir après, a pour objet de renforcer dans le texte, non pas je ne sais quelle critique de notre pays, parce qu'à ce sujet, j'estime qu'il n'en mérite pas. Il y a d'autres sujets, oui, mais pas là. Non, c'est pas l'objectif. L'objectif est de rappeler la nécessité de reprendre les discussions par toutes les manières possibles. L'amendement ici traite du respect du traité de non-prolifération et la force d'affirmation de la France qui dit... Nous sommes opposés à toute prolifération nucléaire. Et d'ailleurs, nous nous imposons à nous-mêmes un strict respect du traité. C'est ce que dit cet amendement, et rien de plus. Pourquoi faut-il le faire ? Parce qu'il y a une propagation du nucléaire. Et parce que dans la discussion, souvent l'argument apparaît qui dit aux Français, mais dites donc vous autres, vous êtes armés jusqu'aux dents et vous venez reprocher aux autres de l'être. Et notre réponse est toujours de dire, mais alors, croyez-vous que le monde sera plus stable si vous-même vous êtes armé d'armement nucléaire ? Et pourquoi ces questions viennent sur le tapis ? Parce que par la force des choses, il faut bien dire que dans notre registre, nous avons été, nous Français, longtemps seuls. C'est la première fois depuis la chute du mur qu'on retrouve un protagoniste international qui s'exprime sur le sujet en faveur du désarmement nucléaire, c'est le président Xi Jinping. Car sinon, la situation était pire depuis la fin de la guerre froide qu'elle ne l'était auparavant, puisqu'on ne discutait plus de rien, ni d'aucun stock, ni de la manière de les réduire. Par conséquent, cet amendement vient en renfort de cette position. Ce n'est pas une critique contre la position de notre pays, c'est une manière d'accélérer, d'approfondir la pression pour dire... il faut désarmer, et c'est nous qui vous le disons, nous Français, qui avons commencé à désarmer, et c'est nous Français qui nous imposons de respecter scrupuleusement le traité de non-prolifération nucléaire, et notamment dans certaines zones. On ne peut pas tenir le discours que l'on tient contre l'Iran, si en même temps, à juste titre d'ailleurs, contre son armement nucléaire, à juste titre, si en même temps on ne dit pas, par exemple, nous les Français, ben nous voulons la dénucléarisation de toute la zone. Je termine. De la même manière, ne peut-on pas dire aux Chinois qu'on les a entendus, si on ne dit pas en même temps et aux Indiens et aux Pakistanais que nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils soient armés comme ils sont en train de le faire. L'amendement de mon collègue Lachaud n'a pas été rédigé pour nier qu'il faille, du fait même de notre puissance, se faire respecter. Ce n'était pas notre sujet. Notre sujet, comme je vous l'ai dit depuis le début de cette discussion, est de rappeler un cadre doctrinal. Je ne crois pas que l'Assemblée nationale, quels que soient les bancs, soit éloignée sur le fond. Si c'est le cas, que quelqu'un le dise. Mais dans le concert des nations, dans les discussions qui ont lieu, les uns opinent pour la force et ne veulent pas s'encombrer du cadre de l'ONU. C'est clairement la position répétée à de très nombreuses reprises par les dirigeants de l'OTAN et par le président des États-Unis d'Amérique, mais il n'est pas présent, donc on ne discute pas avec lui dans cet hémicycle. En attendant, la position des Français consiste à dire « Nous, nous sommes au service d'un ordre international ». Pas simplement des rêveries et des bavardages sur un monde multipolaire, parce que nous, les Français, on a déjà connu le monde multipolaire, ça se termine par des guerres, et en général, nous en prenons plein la figure. Donc, nous sommes pour un monde ordonné. Et la paix ne peut procéder que du respect des décisions de l'ONU, sujet sur lequel il y a aussi discussion, car d'aucuns disent « l'ONU n'est pas une garantie ». Peut-être bien, mais c'est la seule dont nous disposons. Et c'est la seule à laquelle on puisse se rattacher. Tout à l'heure, le rapporteur a fait remarquer, en répondant sur le cas de la Libye, il y avait une résolution, vous avez parfaitement raison, monsieur le rapporteur, et elle avait été adoptée à l'unanimité sur le cas de la Libye. À l'unanimité. Ce qui nous a coûté cher ensuite, car le texte disait que s'il devait y avoir, en anglais, would, et non pas should, s'il devait y avoir une intervention, elle résulterait d'une décision du Conseil de sécurité. Et au lieu de garantir une zone d'exception, c'est le contraire qu'on a fait, on a été directement bombardé. Quand je dis « on », peu importe qui c'est, cela a été fait et cela a créé un désordre ensuite qui fait que ni Russes ni Chinois ensuite n'ont plus jamais été entendus sur quelque sujet que ce soit à cause de la méfiance de ce vote. Voilà pourquoi il est important dans un texte venant de l'Assemblée nationale et de la France, de la République française, qu'on entende dire que les Français, pour eux, la paix c'est l'ONU, l'ONU c'est la paix et vice-versa. Rien de plus, il n'y a pas de critique contre la position ni celle du rapporteur ni celle du ministre dans la proposition du collègue Lachaud. C'est pourquoi je dépose le sous-amendement et qui permet de faire le lien entre votre rédaction et la nôtre. Nous ne le ferons pas, hélas, monsieur le rapporteur. Donc défavorable. J'ai essayé de faire un pas vers vous, puisque vous, dans votre intervention, vous avez souligné le fait qu'il n'y avait pas de difficulté, sauf si cela se substituait au précédent, à la phrase précédente. Je vous propose un mot de liaison, et vous me répondez quoi ? Que vous êtes d'accord avec mon mot de liaison si je supprime ma propre proposition. Ah ben non, ça c'est pas possible. C'était le sujet de l'amendement. J'ajoute une chose. Je ne laisserai pas dire que la France est intervenue, même si je désapprouvais certaines de ses interventions, au Mali ou au Centrafrique, sans un mandat de l'ONU, parce que ce n'est pas le cas. Dans les deux cas, l'action s'est située dans le cadre d'une résolution qui avait été prise par les Nations Unies. Ce n'est pas de notre propre chef que nous avons décidé. Primo. Secundo, nous avions des accords de défense. Secundo, nous avions des accords de défense. Et c'est en application de ces accords de défense que nous sommes intervenus. Mais ces accords de défense ne sont contradictoires en rien avec les résolutions de l'ONU. Alors si le discours sous-entendu, c'est « nous intervenons quand nous pensons que c'est une bonne idée de le faire », eh bien alors, non, en effet, ce n'est pas notre doctrine. Et ben voilà, mais écoutez, vous avez donné vos arguments, c'est le tour de donner les miens. Je ne laisserai pas dire que la France intervient quand ça lui chante, comme elle veut, là où elle veut, militairement. Ce n'est pas vrai. Oui, d'abord qu'on s'entende sur les mots. Personne n'a proposé ici de baisser la garde. Simplement, si nous proposons, comme nous l'avons fait en début de débat, la constitution d'une cyberarmée, vous êtes en droit de nous dire « avec quoi payez-vous ça ?». Donc l'une des premières réponses qu'on fait, c'est de se demander quelle est l'utilité des armements qu'on engage pour le reste. Comme l'a dit notre collègue Furs, il y en a pour plusieurs années, c'est une loi de programmation. Il y en a pour des dizaines de milliards, ce n'est donc pas rien. Donc, est-ce que vous pouvez nous convaincre ? Bien sûr, c'est très facile. Garantissez devant la représentation nationale qu'un avion équipé d'une arme nucléaire ne peut être ni intercepté, que ses liaisons avec l'arrière et sa décision électronique de tir ne peut pas être contrariée depuis l'espace, et nous serons convaincus. Parce que l'utilisation, personne ne l'a dit, mais gesticulatoire de l'arme nucléaire n'est pas crédible. Si vous envoyez un avion avec une arme nucléaire, mais que tout le monde sait que vous êtes hors d'état de vous en servir, ça ne s'appelle pas de la dissuasion. Ça ne dissuade personne. Par conséquent, c'est d'efficacité dont nous parlons. Et la question que sous-entend notre intervention est celle que pose notre collègue Furst tout à l'heure. Notre sujet n'est pas... Nous savons bien que la guerre en soi est un acte qui ne va jamais rejoindre nos préoccupations morales. Ce n'est pas le sujet. Nous parlons d'efficacité militaire. Notre collègue Lecoq vient de le dire. Où en sommes-nous? On n'abordera pas le sujet aujourd'hui. Mais qui peut avoir ici et dire « j'ai la garantie » Pour ma part, je le crois. J'ai la garantie qu'on ne détecte pas, pour l'instant, depuis l'espace, les sous-marins. C'est pourquoi vous n'avez pas de proposition d'amendement qui vous propose de faire l'économie sur ce sujet-là. Mais par contre, je pense savoir que oui, en effet, tout ce qui est aéroporté a une efficacité égale à zéro. Et par conséquent, il faudrait qu'on puisse avoir, vous avez raison, collègue, à huis clos, la discussion. Parce que toute notre affaire repose sur la dissuasion. Si les outils que nous utilisons ne dissuadent plus personne, ils ne servent à rien. Et par conséquent, il faut envisager les questions par un autre bout. Ce que je vous ai proposé de faire en début de discussion avec la constitution de la cyberarmée. Sans vouloir reprendre dans tous ces aspects le débat que nous avons déjà eu hier pour partie, on revient sur l'idée qu'il s'agit d'articuler les capacités françaises avec la capacité de coopération européenne autonome. Cette autonomie n'existe pas, ne peut pas exister, n'existera jamais, comme vient de le dire excellemment notre collègue à cet instant. Pour une raison fort simple, on en a déjà discuté dans le passé, la représentation nationale s'est déjà exprimée une première fois, je pense à la lointaine communauté européenne de défense, et pour les mêmes raisons aujourd'hui, cela n'est pas possible. Et vous, pourquoi ça n'est pas possible? Parce que tout le texte, tous les textes, toutes les dispositions de tous les pays de l'Europe, à l'exception des Français, sont intégrés directement dans le dispositif de l'OTAN, donc à son commandement, et donc à son commandement politique, qui est nécessairement nord-américain. Deuxièmement, sur le plan du matériel lui-même, même lorsqu'on met en partage entre Européens des constructions qu'on fait avec du matériel nord-américain, les Américains considèrent que ceci est une extension de leur propre souveraineté et peuvent décider que nous ne pouvons pas nous en servir ou que nous n'avons pas le droit de nous en servir, même si nous décidons et que ça n'a rien à voir avec eux, puisqu'ils le font même pour de modestes billets d'$1 ou de $5, alors à plus forte raison pour des composants de cette sensibilité. Enfin, et dernier élément, la totalité des actes interopérationnels entre les armements qui sont mis en route dépendent toutes de technologies nord-américaines, et nous, les Français, nous avons fait, à mon avis, une erreur tragique en acceptant d'intégrer Microsoft dans un certain nombre de nos installations, ce qui les met directement dans la main du commanditaire ultime. Je finis sur un mot. Comment conciliez-vous cette idée, à supposer qu'on oublie tout ce que je viens de dire à cet instant, qu'il existe une volonté chez tous nos partenaires, non pas d'acheter des F-35, mais des Rafales, parce que tout d'un coup, ils auraient été convaincus que ça les rendrait indépendants. Oublions tout ça. Comment conciliez-vous l'idée que nous avons une stratégie de dissuasion qui repose sur l'emploi de la force nucléaire et pas de théâtre d'opération en Europe? Et comment conciliez-vous ça avec l'installation des bases de missiles antimissiles qui ont été installées avec l'approbation du président Hollande, contre toute raison, en Pologne? Car clairement, ces installations signifient que l'Europe devient un théâtre d'opération et que nous avons des adversaires que nous désignons par la direction de ces installations. Ce n'est pas une problématique française. Ce n'est pas une manière de voir pour des Français. C'est une manière de voir pour des Allemands, pour des Polonais, pour des Hongrois s'ils le veulent, mais c'est pas français. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 3. Oh, bah oui, mais vous avez... Bon. J'avais commencé à mettre aux voix. Allez, monsieur Mélenchon, excusez-moi. Allez-y, monsieur Mélenchon. Il y a monsieur Mélenchon et monsieur Lejeune. Donc nous allons donner aux deux. J'attirerai avec passion votre attention. Pardon. Je n'y parviens jamais. Mais oh. Non, vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Mélenchon. Mais peut-être le côté gauche est-il trop sur le côté. Non, non, je venais de donner la parole à monsieur Lecoq. Donc, voyez. Non, c'est bon. Stop. Stop. Très bien. Allez-y, monsieur Mélenchon. Je viens en appui de mon collègue Lecoq. Pour que notre collègue nous entende bien, c'est toujours l'intention est toujours la même. Le débat parlementaire doit être entendu à l'extérieur et chacun d'entre nous fait l'effort qui doit être fait pour s'exprimer dans des termes tels qu'ils soient entendus. Nous autres, dans cette famille au sens large politique, nous sommes très préoccupés par le fait qu'il n'y a plus de discussion sur le désarmement nucléaire. Or, il y en avait, dans la pire période, il y en avait. Or, il n'y en a plus. l'accès au nucléaire de certains États. Ben oui, ben il faut bien reprendre le problème par un bout. Non mais attendez, vous allez voir. Il faut bien prendre le problème par un bout. Mon collègue Lecoq souligne la pression à l'armement. Nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est même pas un sujet. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Par exemple, celui de la Corée du Nord. Lorsqu'on parle de la Corée du Nord, peu nombreux sont ceux de nos concitoyens qui réalisent que la Corée du Nord a 17 kilomètres de frontières communes avec la Russie et 1400 kilomètres de frontières communes avec la Chine. Donc, la Corée du Nord n'est pas un pays exotique dans un coin du monde. C'est un pays armé qui joue la provocation, qui joue de la tension et qui se trouve être voisin de deux puissances nucléaires qui ne permettront jamais qu'une autre puissance nucléaire s'approche d'eux. Donc voilà le prototype de chaudron dangereux qu'il y a dans le monde. Si on ne reprend pas la discussion, on est mal. Pour pouvoir la reprendre, on s'appuie sur deux choses. Premièrement, nous sommes nous-mêmes une puissance nucléaire et nous ne refusons pas de parler. La preuve, dans le passé, nous avons nous-mêmes en partie désarmé. Donc ça montre qu'on est capable de le faire. On n'a pas dit qu'on allait le faire. On a dit qu'on est capable de le faire. Et donc on est en droit de dire aux autres, et vous-même, comment voyez-vous la question? Premier point d'appui. Deuxième point d'appui, la nouveauté, c'est la position du président chinois qui propose que la discussion sur le désarmement nucléaire reprenne. Voilà quelle est la démarche que nous initions et que nous essayons de porter ensemble sur ces bancs. C'est pas autre chose, hein. Entendez-le bien, c'est pas autre chose. Merci, monsieur le député. On s'entende bien. Personne sur les bancs de la France insoumise n'affirme que les patrouilles de Sentinelles sont une menace pour la démocratie, ni qu'on n'ait jamais vu où que ce soit dans ce pays nos militaires nous assaillir. Ce n'est pas le sujet. L'interrogation, elle est principielle, elle porte sur deux sujets. Premièrement, la confusion qui s'entretient dans beaucoup de pays, et parfois dans les discours en France, entre les opérations de police et les opérations militaires, et qui résulte, on va faire la faveur à chacun de la bonne foi, du fait que certains sujets sont à la limite des deux. Par exemple, un projet d'attaque terroriste, d'acte terroriste, peut aussi bien être analysé comme une opération militaire, souvent elle se dote de moyens militaires, que comme une opération qui se traite par des moyens de police. Il y a donc deux doctrines sur le sujet, et rares sont ceux qui les mélangent. Donc premièrement, nous nous disons, nous ne voulons pas mélanger les deux. D'accord? C'est un choix, c'est un raisonnement. Je ne dis pas qu'il est simple à manier en toutes circonstances, mais c'est une certaine idée de la protection de la sécurité intérieure. Et deuxième élément, c'est l'utilité réelle dans la lutte qui est menée des patrouilles sentinelles, qui sont un coût fantastique pour l'armée. Non seulement ça représente de l'argent, mais ça représente beaucoup de fatigue, beaucoup de manières de faire tourner le personnel. Fort heureusement, parfois des décisions sont prises qui fait que nous avons des patrouilles qui n'ont pas de munitions. On sait pourquoi on décide, on prend ce genre de décision, et je n'en fais pas le grief ici. Mais je veux dire que les hommes savent qu'ils sont dans une démonstration davantage que dans une action. Donc, sur le plan des protections qu'assument les patrouilles sentinelles, je comprends qu'on puisse penser que c'est une bonne chose et qu'il faut continuer, mais entendez qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas une bonne chose, que c'est épuisant pour les forces armées, que c'est à côté de leur mission, car en réalité, aucun d'entre eux ne mènerait autre chose que des actes d'autodéfense, parce que vous savez que le principal résultat, c'est Merci. Qu'ils ont été pris comme cible. Je voudrais féliciter l'auteur de l'amendement que le groupe va voter, évidemment. Tant mieux qu'il ait l'assentiment du gouvernement et du rapporteur, que chacun pourra continuer à se réjouir et à participer au sujet, puisque notre Assemblée a décidé de créer une commission, un groupe d'études, dont j'assure la coprésidente avec la présidente Marielle de Sarnez, sur ces questions fondamentales. Pour l'instant, nous le faisons avec le sourire, tous, hein, mais la vérité, c'est que les enjeux stratégiques liés au changement climatique et au fait que toute une série d'États ne veulent pas respecter leurs paroles concernant les terres arctiques, nous met directement en première ligne, puisque nous, les Français, nous y sommes. C'est pas le cas au pôle Nord, mais là, on y est. Et par conséquent, nous avons une mission double, à la fois pour nous-mêmes, notre territoire national, mais aussi devant l'humanité, parce que nous préservons quelque chose qui appartient au patrimoine commun de l'humanité. Donc c'est un très bon amendement. Soit on a entendu Madame la Ministre, et on voit à quelle classe d'événements vous répondez. Mais par contre, ce à quoi on ne répond pas, c'est 1. Peut-on gagner une guerre contre-insurrectionnel ? La réponse est non. 2. Le risque est toujours immense. Ça mériterait mieux qu'un petit débat sur un mot. Mais en tout cas, le débat sur un mot permet de l'écarter du texte, et nous, ce que nous proposons de faire. Je vous rappelle que si on examine la situation qui a eu lieu au Rwanda, par définition, on était dans de la contre-insurrection, contre l'intervention des FDR qui arrivaient de l'Ouganda voisin, et ça s'est terminé dans la chose que vous savez, dans laquelle plus personne n'arrivait à s'y retrouver, c'est-à-dire c'est terminé par un massacre généralisé et un génocide. Donc moi, je mets vraiment en garde contre l'idée qu'on puisse gagner ou mener une guerre de contre-insurrection, fût-ce à la demande d'un État, car souvent les problèmes sont tellement emmêlés d'une frontière à l'autre que ça revient à se mettre en guerre avec toute une zone. Dernière chose, ça concerne l'amendement et toute la discussion que nous avons eue sur la sophistication de la mise en relation des objets techniques dans l'art de la guerre. Alors clairement, Scorpion est plus efficace pour passer les commandes de son frigidaire et les mettre en rapport avec la taille de son coffre de voiture que pour réellement avoir la garantie que vous allez rendre interopérationnel toute une série d'engins qui se déplacent sur un même territoire parce que vous êtes à la merci de la contre-offensive. Donc le reproche qui vous était fait n'était pas de « avez-vous mis trop d'argent ou pas assez ?» C'était l'idée que nous devons intégrer à l'ère moderne que certains modes de connectivité augmentent notre niveau de vulnérabilité au lieu de l'abaisser. Notre collègue a raison de dire, je vais finir là-dessus, que évidemment l'avantage technique sera toujours là et que de toute façon c'est par l'avantage technique qu'on va toujours prendre le dessus. Mais ça dépend dans quel type de conflit. Dès lors que vous avez une masse immense de personnes humaines engagées, ce n'est plus la technique qui vous donne l'avantage, c'est la détermination de ceux qui agissent. Car l'arme technique, comme on l'a dit, est toujours à un moment ou à un autre, dépassé par une autre. Si, par exemple, tous vos systèmes de connexion passent par satellite, Madame la Ministre, dès lors que quelqu'un depuis la Terre s'est éclairé en satellite, c'est comme si vous n'aviez rien. Voilà ce qu'on voulait vous dire, et rien de plus. Les accidents du travail ont augmenté il y a deux ans, puisqu'on a toujours les statistiques avec retard en France. On est à 547. En France, hein? Oui, oui, je parle en France et on est au-delà de ce que... on est les pires en Europe. Voilà, c'est ça. Dans le monde, on est à pas loin de 2 millions de victimes des accidents du travail. C'est plus que les guerres et les pandémies. Et les maladies professionnelles sont très difficiles à calculer tellement elles sont nombreuses et variées, si j'ose dire. Alors justement, quelles sont les maladies principales? Si je reviens en France, en France, c'est les TMS, c'est les troubles musculo-squelettiques qui sont en premier. C'est-à-dire quand les gens ont toujours le même geste, à la fin, le poignet marche plus, l'autre poignet marche plus, et les gens attendent jusqu'au dernier moment pour des tas de raisons. C'est que c'est mal remboursé, si j'ose dire, c'est mal assuré, et donc on va finir dans la misère, et donc on va jusqu'au bout de la souffrance pour essayer de ne pas tomber dans des conditions où on a des indemnités dégradées. dégradé et où on ne peut plus vivre. Donc les gens vont jusqu'au bout. Et puis que maintenant, malheureusement, l'âge de la retraite est reculé. Ça n'empêche pas 2 sur 3 d'être mis hors du boulot à partir de 55 ans. Mais comment vous travaillez, vous, à 62, 63 ans, 64 ans maintenant? Le corps humain, il n'a pas changé. Hein. Il est toujours la même chose. Et à partir de 55 ans, évidemment, c'est difficile. Et puis... il y a 4500 handicapés du travail chaque année. En France. C'est des souffrances. Ça va de main coupée. Moi, le premier accident du travail sur lequel j'avais enquêté quand j'étais inspecteur du travail il y a 30 ans, c'était doigt gelé. Dans une scierie agricole du nord de la France, dans les Ardennes, il avait continué le patron à faire travailler l'ouvrier par moins 20 degrés. Alors, il n'avait pas scié que du bois. Je dis ça avec tristesse. Dans ma carrière, en 30 ans, j'ai enquêté sur à peu près 14 accidents mortels. Chaque fois, c'est terrible de voir un jeune de 20 ans le soir, avec des heures supplémentaires le vendredi, qui se fait écraser dans l'ascenseur qu'il est en train de réparer parce que toutes les précautions de sécurité n'ont pas été prises. Et puis, vous voyez des jeunes, j'en connais un dans le sud, j'ai un ami qui se bat parce que son fils s'est tué, il y avait 36 ans, par un défaut de garde-corps. C'est une chute du 6e étage, il se tue. Et ben après, quelle est la peine pour le patron? Parfois, c'est 3000 euros d'amende, ou des sanctions symboliques, alors que souvent, c'est la faute inexcusable de l'employeur qui veut aller vite pour gagner plus d'argent. Donc, il faut en fait plus de droits, parce que si on du travail. Faut pas moins de code du travail, faut plus de code du travail. Faut pas alléger la loi, faut plus de loi. Faut pas... en gros, faut mettre la pression sur les entreprises et pas l'alléger, contrairement à la mode qui est en cours. Le code du travail, il est inspiré des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pas un droit des entreprises, c'est un droit des hommes et des femmes qui sont au travail. Et maintenant, que diriez-vous d'une petite revue de presse? Alors, on va commencer par du solide, du sérieux. Adrien Quatennens, député insoumis du Nord, communique. Emmanuel Macron met l'histoire en retard. Malgré tout le mal qu'il dit de l'audiovisuel, Emmanuel Macron bénéficie toujours de son extrême bienveillance. Son interview par Laurent Delahousse, depuis l'Élysée, diffusée ce 17 décembre, c'est déjà quelque chose d'un peu ancien, a permis de le vérifier. Avec France 2, c'est brosse à reluire pour le président de la République et Banderi pour son premier opposant. Ainsi donc, dans un style impeccablement maîtrisé, Emmanuel Macron a saisi une nouvelle occasion d'à peu près rien nous dire, comme il l'avait déjà fait le 15 octobre dernier. S'il déploie tant d'énergie à incarner la nouvelle sur la forme, elle ne suffit pas à masquer le fond. Loin de la révolution promise ou du renouveau annoncé, Emmanuel Macron inscrit ses pas dans les impasses libérales de ses prédécesseurs de droite et du Parti Socialiste. Talentueux acteur, qu'on le sait être, il reprend en boucle ses répliques cultes qui constituent à elles seules une méthode couée. Je fais ce que j'ai dit. Allez, vite et fort et en même temps. Voilà. Alors, comme ça, c'est du blablabla. Et c'est un communiqué qui est paru il y a déjà presque un an. Hein? Eh oui. Et c'était pas, donc, il n'était pas encore question de la fameuse conférence de presse qui a eu lieu dernièrement. Hein, et le style du personnage n'a pas changé. Et Adrien Quatennens était là. Adrien Quatennens a écouté. Il a réfléchi et il a parlé. Voilà. Comme ça, on sait la vraie vérité, comme dirait l'autre. Et parce que la vérité macronienne, ben, c'est pas la vraie vérité. C'est tout une fausse vérité, en général. Ensuite, pied déchiqueté à Bure. L'enquête au ralenti. Robin, militant antinucléaire, qui a eu en août 2017 le pied broyé par une grenade lancée par un gendarme mobile, n'a toujours pas été entendu par le juge d'instruction chargé du dossier. Ce paysagiste qui ne remarche pas normalement a fait une croix sur son métier. Et pendant ce temps-là, Benalla, eh bien, il continue à vivre normalement, lui, tranquillement. Tranquillement, il n'est pas inquiété. Alors, Game of Thrones, alors Throne avec T-H-R-O-N-E, ah oui, la série qui a changé le monde. Ah, eh oui. Alors, Game of Thrones, un paragraphe plus loin, Game of Thrones, le paragraphe suivant, Star Wars. Ensuite, le Trône de Fer, les 67 épisodes de la série médiévale fantastique, Archive of Our Own, Fan Fiction, Wedding Planners, top 20, top 1000, Bébé Got, G-O-T, Game of Thrones, encore, Sépulcre, Oui, l'Université catholique de Louvain en Belgique, la série raconte la société d'aujourd'hui et l'expression de ses peurs. Ah oui, les peurs pourraient profiter à certains. Et oui, c'est pour ça qu'on cultive la peur chez le public, pour pouvoir le dominer, l'exploiter, et voilà. Et oui, l'avilir, l'avêtir, etc. 200 retraités dans la rue pour plus de pouvoir d'achat à Épinal, social. Alors ça, c'est un journal aussi ancien, c'est le 12 avril, vous vous rendez compte, c'est vieux. Oh là là que, ben oui, mais rien n'a changé depuis, hein. 200, c'est pour ça que je relis cet article-là. 200 retraités dans la rue pour plus de pouvoir d'achat. Près de 2000 retraités vosgiens ont fêté le printemps ce jeudi après-midi en manifestant une nouvelle fois dans les rues d'Épinal pour plus de pouvoir d'achat. Un front uni et intersyndical contre les réformes engagées par le gouvernement. Voilà. Eh oui. Saint-Gobain, les politiques font pression sur le gouvernement. Bon, allez, passons à la suite. Les politiques font pression sur le gouvernement. Quand le travail rend malade, en 20 ans, le nombre de cancers liés au travail a été multiplié par 3,6. La part des pathologies liées à l'amiante est la plus importante. Rappelons que l'amiante, c'est comme le chlore, ce sont deux substances qui ont été reconnues, connues, identifiées comme cancérigènes en 1908. 1908, et nous sommes en 2019. Voilà. Et on a toujours des cancers dus à l'amiante. Oui, ben voilà. Il faut croire que nos gouvernants et que nos industriels ne font pas le nécessaire. Julian Assange va-t-il être extradé ? Une décision souveraine, entre guillemets souveraine, prise après ses violations répétées des conventions internationales, entre guillemets, c'est ainsi que le président de l'Équateur, Lénine Moreno, a justifié sur Twitter le retrait du statut d'asile qu'il avait accordé au fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Alors qu'a-t-il reçu en échange du gouvernement des États-Unis? Ça, on ne saura jamais. Une récompense destinée à son gouvernement, à son pays ou à sa caisse personnelle, peut-être. Oui. On peut tout supposer avec les gens qui sont au pouvoir actuellement un peu partout dans le monde. Toutes les magouilles sont possibles. Tout. Derrière les apparences, il faut toujours chercher ce qui peut se cacher. Société, entreprise. L'inspection du travail intensifie ses contrôles. Les travailleurs détachés, le travail illégal, l'égalité salariale et la santé au travail doivent être surveillés de près cette année. Pourquoi pas les autres années? Et oui, et pourquoi est-ce qu'on ferait un effort cette année? Bon, il y a sans doute une raison. Moi, je vois pas trop bien. Il n'y a pas d'élection en vue, si, quand même, oui. Une centrale solaire photovoltaïque au sol en projet, c'est à Dommartin-lès-Remiremont. Et dans la rubrique politique. Vous voyez, le photovoltaïque, c'est politique. Les élus communautaires ont approuvé un accord de principe pour l'acquisition de parcelles situées zone de la Bruche à Dommartin-lès-Remiremont au prix de 150 000 euros. Une société qui développe des centrales photovoltaïques au sol souhaite s'y implanter. Bravo. L'épouse du chef des députés de la majorité à la FDJ, Tollé. Cette nomination survient au moment du vote à l'Assemblée sur la privatisation de la Société publique des Jeux. Française des Jeux. Hein, voilà. Elle repose la question des carrières des proches des politiques. Eh oui, ce monsieur, il est haut gradé dans le parti du président et son épouse bénéficie des largesses de celui-ci et de celui-là. Eh oui. L'Allemagne devra payer 175 milliards. Mais oui, mais attendez, c'était il y a 100 ans, c'est la semaine du 8 au 14 avril 1919. D'ailleurs, ils n'ont jamais payé ces 175 milliards, ni les autres milliards qu'ils devaient payer après 1945, puisqu'en 1953, on a tiré un trait, les pays de l'OTAN, on va dire, hein, ont tiré un trait sur la dette de l'Allemagne. Et oui, parce que l'Allemagne a réduit l'Europe en ruine, à feu et à sang, 70 millions de morts, des tas de dégâts, etc., etc. Mais, voilà, on a effacé tout ça, parce que l'OTAN avait besoin d'agir sur le territoire allemand, sur le territoire européen en général. Voilà. Cancer colorectal, va-t-on vers une pénurie de tests de dépistage? 23e samedi des Gilets jaunes, c'était le dimanche 21 avril 2019. On vaut bien une cathédrale, entre guillemets, on vaut bien une cathédrale, déclaraient les Gilets jaunes ce jour-là. Et oui, des millions de personnes qui vivent mal, qui vivent dans la précarité, la pauvreté, la misère, la souffrance, valent bien une cathédrale. Cathédrale toujours, Saint-Maurice-sur-Moselle, société Notre-Dame, le coup de gueule de l'écrivain Pierre Pellot. L'écrivain vosgien Pierre Pellot dénonce ce jeudi 18 avril, dans le journal qu'il tient sur Facebook, les milliards promis pour la rénovation de Notre-Dame de Paris. Il parle de honte et affirme qu'il ne donnera pas un centime. Ben si, Pierre, tu donneras sans doute des centimes, et même sans le savoir, comme tous les contribuables. Eh oui, parce que, voilà, le gouvernement va faire le nécessaire et c'est nous qui allons payer. Voilà, ben oui. Trafic de stupes, 3 personnes condamnées à Épinal. Une femme et 2 hommes ont été jugés ce mardi à comparution immédiate au tribunal correctionnel d'Épinal. Les peines prononcées sont lourdes. Elles sont comprises entre 6 et 30 mois de prison ferme. Dick Rivers, le rock and roll français perd une autre voix. Alors, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots, il y a 4 mots anglais. Eh oui, les journalistes de Vosges Matin, ils savent causer le patois de l'autre côté de la Manche. Eh oui, j'hésitais entre le patois de la Bresse et le patois de Gérardmer, mais non, ni l'un ni l'autre, c'est le patois anglois. Des ouvriers ont fumé sur le chantier de Notre-Dame, les compagnons d'Europe, eux, échafaudage. Il n'y a pas de C majuscule à compagnons, hein, je vous signale, quand même. L'entreprise lorraine chargée de monter la structure capable d'atteindre la flèche de Notre-Dame ont avoué avoir fumé sur le chantier. Oui, mais l'enquête semble se diriger vers d'autres pistes, quand même. Hein. Ça aurait été culotté, hein, quand même, de mettre ça sur le dos des... Oui. Bien sûr. C'est tentant, hein, quand on est au gouvernement. Voilà. Je pense qu'on y reviendra. Je pense que la justice aura un jour à se prononcer sur cet incendie-là qui tombait trop bien pour certains. Le seul débat... Non, mais les coïncidences, c'est des coïncidences. Et puis c'est tout. Il n'y a rien à voir d'autre qu'une coïncidence. Hein. Doyen Fabrice Gartner, doyen de la faculté de droit de Nancy à Épinal, un seul débat européen actuel... Ah oui, bien, ça concerne le Brexit. Voilà. L'Europe, elle parle seulement du départ des Anglais. Ça sert qu'à ça, l'Europe, à parler du départ des Anglais. Eh ben. Et dire qu'on va voter pour ça. Enfin, à ce propos-là. Européenne, à un mois des élections, c'est le calme plat. Eh oui, c'est le calme plat, il ne se passe rien. Alors, Remiremont, histoire, vendredi 26 avril 2019. 4 prisons et des actes de torture recensés sur la ville. Remiremont a compté jusqu'à 4 prisons, celle de la Porte de Neuvillers, de la Neuf Tours, la prison de la Maison de la Ville ou Auditoire de la Ville et la Chambre des Chiens. Les prisonniers étaient maintenus captifs dans des conditions parfois spartiates et des textes attestent même d'actes de torture. Alors c'est une conférence qui a été faite à la Société d'Histoire de Remiremont. Très intéressant, j'ai enregistré une bonne partie de cette conférence et je compte vous en passer des extraits dès que l'enregistrement sera traité. Hein. Parce qu'il y a forcément des coupures, parce que il y a des fois un peu de bruit à côté de celui qui tient le magnétophone, la personne qui parle ne parle pas tout à fait en face du micro ou que sais-je. Hein, voilà. Donc il faut couper les parties... Thank you. Épinal, sécurité, la France insoumise dit non aux 30 caméras. Fabrice Pizias, de la France insoumise, peste contre l'installation de 30 caméras à Épinal, privatrice de libertés individuelles, selon lui, et selon bien d'autres. Rappelons qu'à Remiremont, il y a eu une manifestation contre l'installation des caméras, et puis depuis, ben, plus personne n'en parle, c'est tombé dans les mœurs, comme bien des choses qui tombent dans les mœurs comme ça. Les gens s'habituent, et s'habituent à tout. L'électeur, il est capable de tout supporter. Le citoyen, il est taillable et corvéable à merci. Il peut tout endurer. Oui, faites l'expérience, vous verrez. Devenez élu, devenez ensuite un petit peu dictateur, et vous verrez que les gens, ils courbent les chines. Alors, Russie, diplomatie. Kim Jong-un ravive les liens historiques avec Moscou. Ah, la Corée du Nord, la Corée du Sud, ça va mieux, ça va bien, ça va très bien, et puis ça va pas si bien que ça finalement peut-être. Chômage. Alors dans le fameux débat de notre président de la République, comment l'appelle-t-on déjà, Emmanuel Macron, voilà, c'est écrit sur le journal, donc on sait les choses, on sait la vérité si on lit le journal. Eh bien voilà, il a prononcé le mot « je », J-E. 24 fois en 10 minutes, entre 18h20 et 18h30. 24 fois en 10 minutes, entre 18h20 et 18h30. Le mot chômage, il l'a prononcé pour la première fois à 18h41. Il l'a prononcé une seconde fois à 19h30, une autre fois à 19h48 et deux fois à 20h02. Voilà, 3 et 2, 5 fois en tout et pour tout. Eh bien, c'est un recordman. Parce que les journalistes, en général, les hommes politiques, encore pire, évitent ce mot-là. Le mot chômage, c'est un mot qui est interdit de séjour. Il ne faut pas en parler. Ben oui, mais rappelons qu'il y a 6 millions de chômeurs en France. En 2019, il y a déjà eu 6 millions de chômeurs. Mais c'était en Allemagne, en 1932. En 1932, eh bien, un certain Adolf Hitler a eu 24% de voix aux élections législatives. Et puis les élections ont été cassées, je ne sais plus pour quelle raison, il y a eu du désordre, parce qu'il savait faire du désordre, cet homme-là. Ah, les chemises brunes, les SA, c'était des champions du désordre. Hein. Les forces de l'ordre actuelles, officielles ou pas officielles, font des choses, mais ils ne sont pas encore arrivés tout à fait au niveau de ces gens-là. Eh bien, en 1933, il y a eu de nouveau des élections, et cette fois-là, Hitler a eu 42% des voix. Et il a été élu, parce que la loi allemande de l'époque prévoyait que c'était le parti qui avait le plus de voix qui héritait du pouvoir. Ça a été le cas. Et le chancelier Hindenburg, le bon vieux maréchal Hindenburg, avait juré qu'il ne serrait jamais la main à cet individu, qu'il ne pouvait pas blairer, il ne pouvait pas voir Adolf Hitler, même en peinture. Eh bien, non seulement il lui a serré la main, mais en public. L'autre a exigé que la passation des consignes se fasse en public et il lui a remis les clés du pouvoir. Alors ça a duré 12 ans, le fascisme, le nazisme, l'hitlérisme en Allemagne, 12 ans. C'était l'occasion de faire une guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et 70 millions de morts environ. Et puis l'Europe a été mise donc à feu et à sang, détruite à beaucoup d'endroits. Alors on change de sujet, encore que... Hôpitaux, Remiremont, plombe la médiation Vanson. Entre guillemets, médiation Vanson. Furax. François Vanson a quitté l'hôpital de Remiremont mardi soir par une porte dérobée. Oh, porte dérobée. Qu'en termes élégants, ces choses-là seront dites. Et en colère. Voilà. C'est ça qui est important. En colère. Car quelques minutes plus tôt, la commission médicale de l'établissement avait largement repoussé le tome 1 du plan de performance. 11 voix contre 6. 11 voix contre, pardon, 6 abstentions et une seule voix pour. Ah, ah, ah. Qui avait voté pour ce plan-là? Qui? Ah oui, une seule voix. Eh oui. Nouvel hôpital, une facture qui monte, pas 130, pas 160, mais 195 millions d'euros. Voilà ce que coûtera le nouvel hôpital d'Épinal qui doit être livré fin 2019. C'est cher et même très cher. À tel point que la direction du centre hospitalier a demandé à pouvoir faire un nouvel emprunt de 30 millions. Voilà. Oh, là, il faudrait gratter, il faudrait avoir la vérité totale, la vérité complète, la vérité, pas la vérité partielle et partielle. Lorraine, Notre-Dame de Paris, il faut arrêter de juger aussi vite une entreprise. Eh oui, parce qu'il y a eu les mégots, mais peut-être pas que les mégots. La polémique sur la cause de l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris n'en finit plus. Julien Lebras, PDG des entreprises Lebras et sa filiale Europe Échafaudage à Jarny, réagissent aux nouveaux éléments de l'enquête divulguée dans la presse hier. Alors hier, donc c'était vendredi 26 avril, c'était le jeudi 25 avril. Voilà. Ensuite, les Gilets jaunes, des blessés, créent un collectif. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, les manifestants dénoncent la violence policière dans les cortèges. Vous avez bien entendu. Liés notamment au tir de LBD. Ils ont décidé de se mobiliser et appellent à une grande manifestation le 26 mai à Paris. Le 26 mai à Paris. Les Gilets jaunes appellent à la riposte générale. Après les annonces du président Macron jeudi soir, le mouvement des Gilets jaunes promet de reprendre de plus belle ce samedi pour l'acte 24. C'était samedi 27 avril. Alors encore, Bure, B-U-R-E-S, dans le 54, veut se démarquer de Bure, B-U-R-E, dans le 55. Ben oui, parce que dans un des deux, je vous laisse deviner lequel, il y a des choses radioactives. Eh oui, et c'est pas bon pour le tourisme, et c'est pas bon pour la santé, et c'est pas bon pour la réputation des hommes politiques qui sont à l'origine de toutes ces choses-là. Eh oui, ben oui, parce que ça peut être considéré comme Tchernobyl, ça peut être considéré comme un acte criminel. Hein ? Eh oui, Fukushima aussi. Et puis en attendant la suite, jamais 203, dit un vieux proverbe. Aéropole, 3 investisseurs, pas moins de 3 entreprises ont prévu de s'installer prochainement sur l'aéropole Épinal-Mirecourt pour 17 millions d'euros d'investissement. Une entreprise de déconstruction d'avions. Eh oui, on va démonter des avions. Bon. Un circuit automobile de 3,7 km. Tiens. Un hôtel de 60 chambres figure parmi les principaux projets économiques. Ah oui. On va de l'avant, hein. L'association France Rhin-Vosges sensibilise au traitement et dépistage. Pascal Févotte a présenté les actions de l'association dont le but est de soutenir les malades et leurs familles face à l'insuffisance rénale. Luc Livet, une retraite bientôt à la maison. La fin d'une active carrière de 41 ans est arrivée pour Luc Livet. Le directeur des maisons de retraite de Val d'Ajol et Plombières-les-Bains, il a tenu à fêter l'événement en présence de nombreux invités. Il part en laissant derrière lui de bons souvenirs, d'après les intervenants. Ouais, vous voyez, on peut être le directeur d'une maison de retraite et partir en retraite. Et oui. Est-ce qu'il ira en retraite dans sa maison de retraite ? Hein ? Ben, on ne sait pas, on verra. Peut-être. Les édiles maintiennent les taux d'imposition actuels. C'est à Saint-Étienne-et-Remiremont. Ensuite, le site de méthanisation s'ouvre au public à Anglemont. Méthanisation. On fabrique du gaz à partir des déchets. Une Française traverse seule l'Australie à cheval. Ensuite, aux États-Unis, Satan a son église en Amérique. Satan, S-A-T-A-N, vous avez bien entendu. Satan est là pour longtemps, s'est félicité vendredi l'organisation Satanic Temple, en annonçant avoir obtenu des autorisations américaines, des autorités américaines, une précieuse reconnaissance en tant qu'église. Alors c'était Vosges Matin du dimanche 28 avril 2019. Eh ben, on n'arrête pas. Bref. Lancement du guide des maîtres cuisiniers de France. La crème des vins de Lorraine réunie au trait d'union. Une quarantaine de gilets jaunes manifestent dans la gare à Saint-Dié. Ensuite, c'était la semaine dernière, les nationalités en Alsace. Le recensement que les autorités françaises ont fait à Strasbourg est terminé. Les chiffres sont intéressants et indiquent clairement où nous en sommes au point de vue de la nationalité. Il y a 59% d'Alsaciens. 10% d'habitants nés de parents mi-allemands et mi-alsaciens. Il y a 28% de Boches et enfin 3% de diverses nationalités. Alors c'est le Vosges Matin du 28 avril 2019. Hein. Et oui, il s'agissait d'un article qui avait été repris sur un journal du 28 avril 1919. Ouais. Quand le scolyte cache l'ogre de la forêt vosgienne. Ah, oh, qu'est-ce donc? Les attaques de scolyte font frémir d'angoisse les propriétaires forestiers. Et alors, ils repeuplent les forêts, ils replantent des arbres du mieux qu'ils peuvent, là où c'est possible, là où, etc. Et puis, malheureusement, un deuxième danger arrive, l'ogre de la forêt vosgienne, c'est-à-dire les chevreuils qui grignotent le reboisement. Parce que les chevreuils, ils aiment bien, vous savez, les petites pousses en haut des arbres. Hein, ben oui, ben ça fait crever les arbres. Ils sont bien gentils, ils sont bien jolis, les chevreuils, hein, photo. Eh oui, mais il y en a qui sont pas contents.